Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour à tous, chers amis, je suis content de vous retrouver pour cette émission numéro 6, épisode numéro 6 de notre deuxième saison de démocratie participative. On a eu des déboires cette semaine, on va y revenir, mais tout de suite, avant de présenter les membres, je vous invite à visiter et à suivre notre nouveau site internet, democratieparticipative.biz. Le bise, frère. Démocratieparticipative.biz. BIZ. Ouais, BIZ, exact. Autant pour moi. BIZ.biz. Vous allez pouvoir, comme ça, recevoir chaque semaine nos nouvelles émissions. Il y aura du contenu aussi. Je pense qu'il y aura des articles, des vidéos. C'est un site qu'à mon avis, va pouvoir drainer du contenu intéressant, pertinent. Et insolent, en tout cas je l'espère. Vous pouvez aussi nous contacter sur notre boîte email, démocratie participative en un seul mot, il n'y a pas de tiret entre démocratie participative, pas d'accent non plus sur démocratie, @mail.ru, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Suivez-nous sur notre page Facebook. Je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook. Et vous l'avez vu, puisque si vous nous suivez depuis un moment, vous aurez constaté que malheureusement notre chaîne YouTube a été supprimée. Donc vous pouvez recevoir les informations relatives aux évolutions. Si on crée comme aujourd'hui un site, etc., vous êtes alerté. S'il y a un problème, vous êtes alerté. Et alors surtout, évidemment, alors là, ça c'est essentiel, c'est SoundCloud. SoundCloud, sur cette plateforme audio, exclusivement audio, hein, c'est que du MP3, dont vous pouvez télécharger nos émissions, hein. Ne l'oubliez pas. C'est très pratique sur mobile, hein, pour tout le monde, hein. Vous pouvez les écouter tranquillou en éteignant l'écran, c'est génial. Donc on vous donne, sur le site de Démocratie Participative, on vous donnera bien évidemment les émissions en format SoundCloud. Vous pouvez les télécharger comme je l'ai dit, et vous pouvez les directement aussi sur la plateforme. Hein. Donc ça va être le support principal de l'émission dans les temps à venir. On va recréer une chaîne YouTube où on va mettre simplement un extrait d'émission, on va voir la durée. Une durée assez conséquente quand même, quelque chose entre 15 et 30 minutes pour que le public connaisse un petit peu. On essaiera de voir si on peut passer un petit peu entre les gouttes en faisant attention malheureusement à la censure, de telle sorte à ce qu'on puisse drainer un nouveau public vers SoundCloud et vers le site internet. Donc ça reste à établir. Je suis désolé d'avoir été un petit peu long, mais il y a eu des évolutions comme je l'ai dit. Alors, avant d'entamer un petit peu le débrief de la semaine, je vais présenter nos participants. Derek, salut Derek, merci d'être avec nous Derek. Mais je t'en prie, cher Ganon. La pêche? Oh, relativement, ouais, ça va. Relativement. Frédéric dans l'évier. Oui, moi, comme d'habitude, des épinards, du fer, des vitamines, tout ça, pas de problème. La pêche, la banane, la pomme, la poire, tout ce qu'il faut. Donc, oui, je suis prêt. Malgré la censure qui vient de nous frapper, pas de problème, on ne s'arrête pas. On continue. Captain America. Salut, Captain. Salut Gandalf et salut les autres, salut les auditeurs, Imhotep, hein, les mecs, tout va bien, en avant les nègres quoi. En avant de Guingamp. Et Magdav, salut Magdav. Bonsoir à tous les amis. Oula. Alors il peut flamber parce qu'il a un nouveau PC, donc il a une voix qui est beaucoup plus douce, etc. Là c'est pour charmer. Alors même nous, le genre idéal ce soir. C'est le charmeur de serpent, tu vois. On n'était pas sûr que ce soit lui, hein. On a dû faire des tests, recouper les informations, etc. Mais c'est lui. Il est... On a demandé des photos de son prépuce, on en parlait justement. Il a finalement été relâché par l'État islamique. Tout à fait. Et j'arrive en Europe avec mes nombreuses femmes. Pour, tout à fait, pour repeupler la France. Ah putain, ouais. Ah bah ouais, c'est important. Alors, chers amis, nous sommes partis pour une nouvelle émission. Alors, avant de commencer avec nos rubriques, débriefing. Notre chaîne YouTube a sauté. Elle hébergeait pratiquement toutes nos émissions jusqu'à ce jour. Ça faisait 6 mois d'émission quand même. Hein. Et ça a été très brutal, puisque j'en ai pris connaissance pas plus tard que hier. Et on nous a d'abord fait sauter l'émission Aulnay-sous-Bois, hémorroïde urbaine. Alors là, ça n'a pas plu, je ne sais pas pourquoi, je m'interroge, je ne sais pas pourquoi. Mais rien n'a plu dans cette émission à la censure. Elle a été report en masse. C'était terrible. Hein. Pourtant, les grosses fesses sur la vignette auraient dû plaire aux subsahariens, mais croire que voilà. C'est un macaque de Guinée, je crois. Je précise. Hein, D'accord. Macaque noir. C'était un cousin à Théo, c'est ça? Ah non, c'est Théo. C'est Théo, en vrai. Pris sur le fait. Hein. D'accord. Ouais, c'est vrai, une photographie qui devrait être mise au dossier de l'enquête. On s'est fait flaguer. Et ensuite, une fois que la vidéo elle a sauté, je me suis dit, la vidéo était peut-être un petit peu trop salée pour ces messieurs. Et non, putain, une heure après, toute la chaîne, mais ultra brutale, avec des demandes, votre numéro de téléphone, vous êtes d'où, etc. Voilà, d'accord, ok. Ils ont vraiment, vraiment eu une mauvaise expérience, visiblement, avec notre chaîne. Ça marchait très très bien, la dernière émission qu'on avait faite était à 9000, pratiquement 10 000 en 3 jours, en sachant que c'est que du bouche à oreille, hein, on n'a pratiquement pas fait, on n'a pas poussé ça tellement en dehors de cette méthode de diffusion, et en fait voilà, la masse critique des 10 000, bing quoi, voilà, on s'est fait arrêter par la police, et on s'est fait jeter de YouTube, on est des méchants, c'est arrêté, quoi, voilà, c'est terminé. Qui veut faire un peu le topo? Moi j'ai un truc à dire là-dessus, mais qui veut... Moi j'ai une pensée pour le juif là, qui a dû se taper l'émission et qui a dû avoir tout à coup des spasmes et vomir de l'huile, quoi, tu vois. une pensée pour lui. Je sais pas, parce que ça peut être du bamboula rageux, surtout dans cette période d'émeute. Je sais pas bien. Ouais, je pense que c'est plus du néo angry nigger. Ouais, je pense que c'est du angry. Hein? On remercie les amis qui ont copié la vidéo, qui l'ont enregistrée et qui l'ont dupliquée. Elle est encore disponible, notamment sur le site Blanche Europe, sur d'autres. Je pense qu'on peut trouver certains extraits sur YouTube. Faut à tout prix que cette émission survive d'une façon ou d'une autre. De la dernière émission? Oui, tout à fait. Ah bon? Je savais pas ça qui a tourné encore. Ah bah les gars, oui, alors là je lance un appel par contre à tous ceux qui nous écoutent. Nos émissions, si vous voulez, ce que je peux vous proposer, c'est que vous me demandez par... moi je peux créer un compte YouTube ad hoc sans problème. Où je les upload, mais je les upload discrètement, et elles font pas trop de bruit, etc. Et vous pourrez les retrouver sous le bon format, et vous pourrez à votre tour les télécharger et les réuploader. Parce qu'en fait, il faut disséminer le truc autant que faire se peut. Alors sur SoundCloud, c'est du MP3, donc évidemment c'est du format audio exclusivement. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait du format vidéo pour YouTube. Et ce qui serait sympa, c'est parmi tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y en ait un ou deux qui se sentent le temps de le faire, qui les télécharge et qui les réupload. Comme ça, c'est présent sur YouTube quand même. Et quand les gens tapent démocratie participative, ils trouvent nos émissions. Parce qu'on était en train de. Dans les recherches Google ou dans les recherches YouTube. C'est pas qu'on était en train. Dans les recherches. Oui, la recherche. Moteur de recherche normal, taper démocratie participative, c'était. C'était obscène. On arrivait avant les victimes du Parti Socialiste et autres gauchias. Voilà, c'est-à-dire que Les mecs, ils voulaient de la démocratie participative. Force est de constater qu'ils ne sont ni démocrates ni très participatifs. Ouais, il y avait du tam-tam au début, du métissage, et puis d'un coup, ta-ta-tam. Et tout d'un coup, voilà, effectivement. Ouais, c'est... Mais bon, tout ça pour dire que oui, s'il y a des gens qui se sentent une âme charitable, n'est-ce pas, n'hésitez pas à réuploader certaines émissions, celles que vous avez sauvegardées, etc. Hein, on apprécie évidemment tout ce genre d'aide. Protégez-vous quand même, protégez-vous hein, au niveau de la connexion. Et puis elles sont surtout, elles sont disponibles sur SoundCloud. C'est-à-dire depuis peu, maintenant, vous pouvez télécharger absolument toutes les émissions sur SoundCloud. Donc ne vous gênez pas, téléchargez-les, sauvegardez-les, réuploadez-les si vous le pouvez. Voilà, et de toute façon, nous, on va s'assurer qu'il y a un nouveau compte YouTube, quelque chose d'autre, qu'on relance la machine, mais tout ce que vous pouvez faire pour nous aider de votre côté est le bienvenu. Ouais, complètement, complètement. Alors, moi, je voulais faire un petit aparté sur le fond, parce que, évidemment, mais ça revient en plus de manière récurrente. On nous dit, ouais, mais voilà ce qui arrive quand on utilise le mot nègre, machin, etc. Et en fait, c'est notre marque de fabrique. Mais ça n'a pas vocation uniquement à se limiter à nous, mais je vais expliquer la démarche. L'interdiction d'utiliser le mot nègre, ou le mot bougnoule, boucaque, bamboula et autres, et crouille, j'aime bien celui-là, c'est une castration psychologique, en fait. C'est pour vous obliger à admettre la présence autour de vous de gens dont vous deux, a priori, on vous fait l'obligation de respecter l'intégrité physique, morale, etc. Moi, je dis une chose, c'est que si vous... C'est pour ça que le langage est extrêmement important. Si vous rentrez dans ce jeu-là, ça veut dire que vous acceptez d'abord les interdits qui vous sont imposés par la dictature idéologique dominante, et deuxièmement, vous acceptez de facto le statu quo au niveau de l'immigration, c'est clair. Et le fait d'utiliser ce vocabulaire-là, qui est un vocabulaire d'ailleurs qui est en usage massivement dans les milieux nationalistes, et même bien au-delà des milieux nationalistes, c'est simplement de le normaliser en direction du grand public. Évidemment, évidemment. Donc, ceux qui nous disent « oui, mais le mot nègre, machin », c'est pas une finalité en soi, on est bien d'accord. Dans les émissions, on a fait, je sais pas combien d'émissions on a fait 6 mois d'émissions, une par semaine. On a parlé de plein de sujets, on a parlé de la politique américaine, on a parlé de plein de choses. Donc c'est ceux qui disent qu'on parle de ça et que c'est une finalité en soi, c'est pas vrai. Ceci étant dit, c'est un vrai exercice psychologique, de guerre psychologique, de libération. Et ceux qui disent oui, mais quand même le mot nègre, machin, ça, bah écoute, ça veut dire que t'es pas prêt pour relever le challenge. Donc passe ton tour. Voilà. Il faut quand même que les gens comprennent, et particulièrement dans les milieux soi-disant d'extrême droite ou nationalistes en général, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le courage, si vous n'avez pas les couilles de défier le politiquement correct sur le plan verbal, c'est-à-dire qu'on parle du plan verbal, c'est-à-dire tout simplement de dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, la façon dont on veut, la liberté de pouvoir décrire les choses de la façon dont on le veut, c'est-à-dire que si on doit parler de sale nègre, de sale crouille, j'en passe et des meilleurs, c'est quand même la première des libertés à se réapproprier. C'est-à-dire, si les gens dans les milieux de droite, entre guillemets, sont incapables de faire cet effort-là, de mettre au moins cette énergie-là au service de leur libération, alors là, les histoires de poupouch, de reprendre la rue, de faire des partis politiques, mais vous pouvez aller vous coucher tout de suite. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le droit... Les gens, il y a des gens qui pensent, honnêtement, parce que ce sont des bonnets, ce sont des naïfs, qu'en fait, ils vont pouvoir reprendre le pouvoir, j'ai envie de dire le pouvoir politique fort, enfin la vraie force hein, qu'on applique en politique... c'est-à-dire l'autorisation de l'utilisation de la violence, à un moment la légitimation de la violence. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils vont reprendre ce pouvoir-là sans pouvoir être libres de parler au préalable. C'est juste, enfin, pour moi, c'est complètement débile, mais oui, qui le croit. La plupart, il y en a qui veulent reprendre le pouvoir aussi, reprendre, on ne sait pas trop à qui, à quoi, avec qui, avec quoi, suivez mon gars. Mais oui, effectivement, l'utilisation de parler des nègres et compagnie, en plus, quand on le fait, c'est de manière assez rigolote, quoi. Hein. Le nombre de gens qui sont venus nous dire qui se marraient comme des baleines dans le métro, entourés de entourés d'espèces de déchets de l'Afrique. Voilà, il y a une dimension cathartique dans le truc. Donc bon, le fait de, effectivement d'être là à pleurer, nègre, c'est rien. Bah en fait, il faut vraiment Mais en plus, on a, enfin, je veux dire, qu'on soit même obligé d'expliquer un truc aussi basique, c'est assez affligeant quand même. De dire voilà les gars, vous êtes pas censés être castrés H24. Il est quand même possible, dans un pays qui est envahi de bamboula, de toutes les races de la terre qui viennent déféquer sur votre palier, il est quand même possible de dire à ces gens d'aller se faire foutre. Et de dire à un putain de bouka qui veut vous saigner au coin de la rue, ou à un maghrébin qui veut vous braquer, que c'est un sale bougnoule ou que c'est un sale nègre qui doit repartir dans son bled à la con. Voilà, si ça passe par ça, comme l'a dit très très bien Fred, ça passe par ça. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, bah les gars, je sais pas, allez demander votre carte de pêche et passez un autre loisir, quoi. Hein, c'est clair. Bah, à mon avis, mais c'est surtout, c'est même pas juste que ça passe par ça. C'est-à-dire, c'est la case départ. C'est-à-dire que les mecs s'imaginent qu'il va y avoir de la violence pour défendre les Européens, quoi, pour reprendre Ninénia, alors que les mecs n'ont pas le droit de parler. Je ne sais pas. Ils sont mignons. Ah bon, ouais. Le message est passé. Quelqu'un veut dire quelque chose sur cette censure? Là, c'est quand même... bon, c'est pas surprenant quand même. On va pas dire, ouais, on va pas faire les petites chattes en disant « Ah, c'est étonnant, ça censure. » Bah oui, ça censure, évidemment. Ouais, enfin, pour ceux qui nous disaient « Pourquoi vous n'êtes pas censuré? C'est parce que c'est les sionistes, le choc des civilisations, tout ça. » Bon, bah voilà, là, c'est réglé, hein. Ouais, d'ailleurs, les mêmes qui officient toujours tranquillement sur leur chaîne à la con, sur YouTube, alors que nous, on n'est même pas en train de faire des 400 000 vues, etc., avec... qui s'inquiètent, hein, c'est-à-dire que nous, on passe le cap des 10 000, ça y est, c'est fini, on est des salauds, il faut nous supprimer... Ah bah, y a pas le chèque Imran Hossein chez nous, hein. Tu veux parler des mecs qui font des vidéos PM sur des Dailymotion, c'est ça? Non, je pensais pas forcément à ça, mais... en tout cas, force est de constater qu'à 10 000 vues, quand on a un ton normal, enfin réaliste, parce que moi je pars toujours du principe que moi je suis un centriste. Hein. Moi je suis un centriste, je parle de la réalité, je suis pas du tout extrémiste. Hein. D'ailleurs, 95%, si ce n'est pas 99% des gens dans les années 50 seraient sur nos positions. Bah, je suis étonné de voir qu'il y a des gens qui chialent et qui disent « Oui, mais comment ça se fait, truc ?» Bah, voilà, vous avez la réponse. On s'est fait flaguer, on s'est fait report, on s'est fait tège. Bon, on va revenir, mais bon. Ok, bon, bah, on va pouvoir passer à notre première rubrique, autisme radical, chers amis. Commençons cette émission sur un ton gai, joyeux et constructif. Sujet numéro 1 de cette première rubrique. Alors, j'ai découvert ça avec... j'avais des étoiles dans les yeux, moi. Louise, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est Louis avec, entre parenthèses, E. Une héroïne transsexuelle pour la nouvelle série de TF1. TF1, officiellement. Eh, la chaîne de la droite. Hein. Voilà, le catéchisme du Parti communiste, c'est la chaîne de du patronat réactionnaire. Hein, ok. C'est bon. Ok. Alors, dans le pilote de cette nouvelle série, je cite OZAP. Hein, c'est une... vous savez, c'est ce site internet qui parle de l'actualité de la télévision. Quoi. Dans le pilote de cette nouvelle série, Claire Nebout incarne Louise, un père de famille transgenre qui cherche à se faire accepter par son entourage. Dans Louis The, Agnès découvre, le jour de l'anniversaire de son fils, que la superbe femme qui vient de s'installer en face de chez elle n'est autre que Louis, son ex-mari, parti 7 ans plus tôt. Désormais connu sous le nom de Louise, ce père transgenre est décidé à aller au bout de ce qu'il est profondément, une femme. Désormais installé avec Adrien, le nouveau compagnon d'Agnès, ceux-ci n'accepteront pas facilement la nouvelle vie de leur père. Je vous passe les détails. Donc en gros... normalisation des trannies, quoi, des transgenres. qui veut parler de ça? Qui veut parler de ça? Non, mais au niveau de de l'acteur, l'actrice, là, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont mis, un homme, une femme? Le truc, là, s'appelle Claire Nebout. Et ouais. Ils ont pris... C'est une femme, mais qui a un visage extrêmement sévère, enfin, avec des traits vraiment dégueulasses, ouais. Assez masculin, voire carrément moche, hein, voilà. Non, mais ils ont pris quand même une femme, quoi, pour faire genre... Oui, là, c'est devenu c'est une femme... C'est une femme qui a quand même une très très sale. Ouais, ouais. Bon, par rapport à la normalisation... Non, mais alors, attends, par contre, ça veut dire... tu vas continuer, mais... Ça veut dire qu'ils ne sont pas allés au bout de la démarche. Ils ont pas mis un homme déguisé en femme. C'est vachement pervers, ça. Non, mais ils avaient mis là un machin là, au grand journal de Canal+. Et le truc, tu vois que c'est un monstre, quoi. Hein, c'est ridicule. Ah, il y avait un travaux au grand journal. Comment ça s'appelait, là C'est pas Amanda Lear? Non, je sais plus. Enfin, j'ai regardé la première émission juste pour voir ce que c'était le machin. Ah, il y avait un on avait dû en parler dans une émission. Enfin bref, voilà, c'était. Bon, quant à la normalisation là, du transgenre, les gars, c'est pas compliqué. Quand on a normalisé l'homosexualité en foutant tous les PD de la Terre au Front National. Il faut pas s'étonner que dans les partis ou dans les institutions plus à gauche que le Front National, on aille plus loin. C'est normal, tu vois. C'est la progression. Et donc on en revient parce que c'est c'est un proverbe ou je ne sais quoi. Enfin bon, c'est quelque chose qu'on dit sur la droite réactionnaire. C'est qu'en fait les réactionnaires ne font qu'appliquer le programme des libéraux de quelques décennies plus tôt. Hein. Et le Front National qui n'a pas réellement d'orientation morale, ça se voit, ça se sent et c'est incarné, en fait, effectivement, applique le programme libéral, mais de quelques années plus tôt. Alors bon, oui, effectivement, on revient un peu en arrière, mais les PD, quand même, c'est sympathique, et puis voilà. Et puis donc, pendant que le Front National réagit, voilà, est réactionnaire avec des PD, et eh ben à TF1 on fait passer les transgenres, voilà, c'est comme ça. Bah c'est la spirale gauchiste en fait. Ah bah oui, il n'y a pas la spirale gauchiste. C'est-à-dire les transgenres et puis après et tout, on ramène toujours la pédophilie, l'inceste, mais c'est, ça arrive. C'est-à-dire c'est le progrès, quoi. C'est tout. Oui, voilà, c'est-à-dire on normalise un truc de plus à chaque fois, voilà. Alors là, le changement de sexe. Et puis, alors, le truc qui est très pervers avec le changement de sexe et les transgenres en général, c'est que on cherche toujours aux États-Unis normalement, mais dans tous les pays occidentaux qui sont plus ou moins libéraux, gauchistes, etc., c'est qu'on cherche toujours après, une fois qu'on a accepté la thématique transgenre, à l'appliquer aux enfants et à dire voilà, le petit Jean-Luc, voilà, il sait pas trop, il veut jouer avec une poupée à 5 ans. Ah, pour lui filer des hormones, on va le faire changer de sexe. Hein, à 5 ans, quoi. C'est normal, ah oui, pas de problème. Il n'y avait pas eu des cas comme ça, avec des enfants adoptés par des lesbiennes juives. Oui, bien sûr. Où ce sont, les parents qui sont eux-mêmes des dégénérés sexuels, donc des vieilles lesbiennes, je sais pas quoi, qui s'amusent à balancer leurs gosses dans des traitements hormonaux comme ça pour en faire. Oh la vache! Ils prennent de la pâte à bonne légoï, tu vois, et puis ils malaxent ça. Ouais, non, mais là, avec là, des là, huiles. Là, c'est de la pâte de goy. Hein. Attention, moi je dis Pologne. Hein. Pologne. Non, on touche pas aux enfants. Ah bah, c'est un petit peu tard, là. C'est vraiment que c'est là. Bah justement, ça sera aussi un petit peu tard quand il s'agira de venir se plaindre. Hein. Ça sera... tu vois, ça... Voilà. Bon, bah, TF1, du coup, lancé dans la normalisation. Donc, on voit c'est ça, on voit que c'est pas naturel. On voit bien que ça vient pas du peuple, en fait. C'est les élites dégénérées qui lancent des campagnes de normalisation pour faire accepter leurs mœurs de taré à la plèbe. C'est ça, en fait. Ce qu'ils appellent tous ces... Ouais, et c'est pareil avec le racisme. Et en fait, quand on regarde bien, non, ça a toujours été comme ça, de cette manière. Hein. L'antiracisme, ça vient d'où? Au départ, c'est ça en fait. Hein. C'est un truc qui vient de l'élite et tout machin. Il faut faire des campagnes, des trucs. Il faut rééduquer le peuple. Il comprend rien et tout. Et puis à la fin de la fin, tu vois, t'as un peuple de larves parce que personne ne rend les coups. Personne ne décide de repousser cette propagande dégueulasse, quoi. Et TF1, moi, franchement, je pense que là, elle a rien pour un truc comme ça. TF1, il devrait y avoir des émeutes dans leur bâtiment, tu vois. D'ailleurs, je m'empresse de faire une digression complète. Où est la droite patriarcale islamique, cher Alain Soral, pour aller gueuler Ouais, non, mais eux, que les Blancs mettent des transgenres dans leurs émissions de TF1, ça les fait marrer, tu vois. Ah, ils s'en battent les reins, bien sûr. D'ailleurs, j'ai vu un truc, en parlant de cette hypocrisie, du patriarcat islamique. Et là, en l'occurrence, c'est plutôt l'antisémitisme islamique. Sur Islam Info, les mecs passaient un reportage sur une manifestation du FN, tu vois, donc c'est à l'arrière du cortège parler à des mecs, tu vois, donc les faire parler sur les juifs, quoi. Et du coup, voilà, les heures les plus sombres et compagnie, et donc tu avais les mecs, les gros barbus là, qui disaient, voilà, comme on peut le voir, il y a toujours le danger antisémite au Front National, etc. Genre, nous, on leur veut que du bien. Donc, sujet numéro 2. Une féministe en a marre d'être une blanche privilégiée. En tout cas, c'est ce qu'elle a expliqué lors d'une manifestation de soutien au mythomane, Théo Louoka, le subsaharien qui affirme s'être fait violer. Alors qu'évidemment, il s'agit d'une escroquerie totale. On va l'écouter tout de suite parce que c'était lors de la manifestation. On a pu l'entendre. Écoutez sa parole de militante féministe, de militante de la condition des femmes, de la condition des allogènes, de la condition de toute la merde en fait. Hein. Je dis pas que toutes les femmes sont de la merde, hein, mais de toutes les marges possibles et imaginables. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après. C'est que je n'ai pas à être traitée mieux que la population noire et arabe. Regardez mon carton derrière. Je suis une blanche privilégiée, très triste. J'en ai ras-le-bol, c'est une fumisterie. Il faut que ça s'arrête. Il y a assez de massacres, ça fait des dizaines d'années qu'on les a pas calculés les mecs. Il faut arrêter les conneries, c'est n'importe quoi. Et là, les mecs, on en a entendu parler. Si on savait le nombre de toutes les victimes de ces saloperies, on aura un choc nerveux. Donc nous, les Blancs, aussi, on doit se lever et on doit dire stop à ces fumiers. Merci. Bon alors, je présume que ça vous a plu. Qui a envie de réagir à cette dégénérée qui s'est foutue une pancarte sur le dos avec marqué « Je suis une blanche privilégiée ». Oh putain! Qu'est-ce que c'est? Elle a quand même un peu une gueule de métèque, non? Bah, c'est-à-dire, elle s'appellerait Schekelstein, tu vois? Elle serait libano-antillaise. Bonjour, je suis blanche! C'est vrai que c'est français, quoi. Là, c'est français. Hein. Voilà, c'est à ça. La limite. À c'est la très limite, républicain, quoi. L'escroquerie se trouverait peut-être dans le fait qu'en fait, elle soit. Du Mezzogiorno. Ça pourrait aussi s'expliquer comme ça. Comme Aurélie Filippetti, hein, qui est une militante pro-nègre totale, italienne rouge au dernier degré. Enfin, c'est très très moche. D'ailleurs, son vœu a été exaucé, puisqu'elle a fait un chiard avec Montebourg, qui lui-même a du sang de maghrébin dans les veines. Alors, chers amis, cette histoire-là de femelle hystérique... qui se solidarise des émeutiers raciaux pour dénoncer le privilégiement. Ça fait un peu le lien de ce qu'on avait vu à Berlin, en fait, la semaine dernière. Enfin, là, on a quand même un bel oiseau. Là, Derek, allez, vas-y. Non, mais j'ai pris connaissance, là, à l'instant de la vidéo, j'avais pas vu du tout. Waouh, c'est. Alors, déjà, oui, effectivement, moi, je suis pas sûr que ce soit une blanche. Il faudrait faire des. Elle a une sale gueule, hein. Elle a quand même une sale gueule. Ouais, on a fait. D'ailleurs, Les féministes, de toute façon, ont toutes des sales gueules. Elles ont toutes gueules dégueulies, tu vois. L'aigreur s'imprime sur leur visage, ça donne des gueules de sorcières. Mais donc, elles ont une gueule de poisson en général. On peut plus distinguer à un moment, tu vois, est-ce que c'est juste une féministe aigrie dont le caca a été gravé sur le visage? Est-ce que c'est du métissage de métèque? Est-ce que c'est une sorcière juive? On sait pas, quoi, on sait plus. Enfin, en tout cas, une sorcière, ça, il n'y a pas de doute. Et je pense qu'il y a des rituels qui datent de l'Inquisition à rétablir. Hein. Bah oui, c'est vrai que c'est effectivement le. Elle la chasse aux sorcières, elle, elle, ça dit. Elle dit j'en peux plus, elle dit. Elle dit j'en peux plus. Je suis privilégié, je suis blanche, c'est horrible, quoi. Putain. Tu sais, mais c'est. Ouais, non, hein, mais c'est normal. C'est un appel au viol, quoi. Faut se mettre à la place de cette pauvre bonne femme, c'est-à-dire qu'elle a toujours pensé qu'elle était une victime, parce qu'il y a évidemment une vaste farce. Mais en fait, dans ces milieux, t'as un concept qui s'appelle l'intersectionnalité. En fait, c'est plus tu cumules de tares, donc plus tu es... il faut être à la fois une négresse... transsexuel et juif. Ça va de soi. Transsexuel. Les bonus, c'est l'inverse du handicap, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Tu cumules les points. Et plus tu cumules les points, plus t'es intouchable et plus tu peux prétendre un statut de victime. Et voilà. Et donc, en fait, cette femme, elle proteste parce qu'elle a pas assez de points sur l'échelle, tu vois. Elle veut, tu sais, elle veut gagner au loto, tu vois. Elle veut qu'on lui file des chèques juste parce qu'elle existe, parce que c'est une femme noire, handicapée, juive, transsexuelle, tout le bordel, quoi. Donc, en fait, quand elle dit « j'en ai marre d'être une blanche », elle veut juste gagner plus de points, quoi. C'est ça, elle est à la fête foraine, tu vois, elle veut le score maximum et... Bah, elle a qu'à faire un traitement hormonal à la testostérone pour se faire pousser la barbe et puis, je sais pas, se laisser pousser les dreadlocks. Ouais, si elle veut du traitement, moi j'ai du traitement pour elle. Moi ça m'a fait penser à, je sais pas si vous avez vu, là, mais comment elle s'appelle, J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter. Il y a pas longtemps sur Twitter, elle a lancé une bataille de tweets avec un mec qui s'appelle Piers Morgan, je crois, qui est un Britannique opposé à l'immigration et qui est pro-Brexit, si je dis pas de bêtises, et qui est anti-musulman, et donc elle l'a taclé, machin et tout. Et il y a plein de gens qui lui ont retweeté, en fait, d'accord, et toi qui pèses $1 milliard, quand est-ce que tu les achètes? Quand est-ce que tu accueilles des réfugiés chez toi? Et il y a des gens qui ont lancé carrément une campagne, même des écrivains, hein, des mecs qui ont pondu des bouquins connus apparemment, qui ont proposé d'acheter carrément. Il y a un mec qui dit, moi, l'écrivain, donc, il dit, moi je paye 100 billets d'avion à des réfugiés pour qu'ils viennent habiter chez vous. Et il y a plein de gens comme ça, même des gens pas connus du tout, qui ont dit, moi je peux payer que 2 billets, mais je le fais. Et en fait, on est confronté au même genre de mégère hystérique. C'est-à-dire, c'est des bonnes femmes qui ont tout pour elles et veulent se mettre sur le devant de la scène, veulent exister, et surtout, non, je voulais dire, mais si t'es privilégié, je veux dire, si t'as tant de pognon que ça, si t'es si... Parce que c'est aussi du virtue signaling, en fait. C'est toujours se mettre en avant en disant, moi je suis un meilleur être humain que vous. Les bonnes femmes, là, je veux dire, J.K. Rowling, ou la bonne femme complètement triste d'être blanche et privilégiée, mais si vous êtes si privilégié que ça, mais donnez de l'argent, je sais pas, allez dans ces pays-là, construisez des trucs, y a pas de problème, personne vous en empêche. Au contraire, même nous, on sera contents. Je veux dire, si vous construisez des trucs là-bas, que vous les aidez, ils viendront pas là, c'est génial. Ouais, je sais pas, parce que ça les aiderait à se reproduire, voilà. Ah, ils ont pas besoin de nous pour ça. L'aide aux nègres ne sert à rien. Ouais. À la base, c'est un peu la construction d'infrastructures, d'hôpitaux, etc., qui a permis à l'Afrique de se multiplier dans des proportions, voilà. Hein. On pourrait peut-être se cotiser pour empoisonner les puits. Une vieille méthode qui nous vient d'un vieux peuple qui a beaucoup souffert. Non, mais en fait, le truc, si tu veux, c'est que, imaginons, si on crée les infrastructures là-bas, que les mecs, leur population augmente, mais que chez nous, ils viennent pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'exterminer, c'est tout. Bon, comme ils viendront quand même. Mais non, mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que si nous, on était au pouvoir et que les mecs continuaient à pulluler, mais on s'en battrait les couilles. Je veux dire, à partir de... on a des drones, on a des navires de guerre, on a des mines, on a tout ce qu'il faut, on a de la doucette. Je veux dire, si les mecs, ils veulent passer en force et que nous, nos pays sont dirigés par des gens qui ont les couilles de protéger ce qu'on est et ce qu'on devra continuer à être, alors des blancs, hein, des européens, tant d'un point de vue biologique que civilisationnel, mais ces mecs-là, ils peuvent pulluler, on en a rien à branler. En fait, le truc, c'est vraiment un truc de bourgeois, ce machin. Parce qu'en fait, ces nénettes, là, en question, en fait, ce sont des... Vous savez, bon, il y a le truc central qui est vraiment le concept des minorités, ou des gens qui se perçoivent comme étant une minorité, et comme étant des victimes. Et donc, l'idée, c'est que la valeur absolue, c'est... En fait, on est dans un moment de l'histoire de l'Occident, en fait, où on est dans une victimologie exacerbée, mais complètement. Et du coup, il y a toute une esthétique de la position victimaire. Et c'est complètement dingue, c'est que les gens espèrent avoir une position sociale sur la base d'une souffrance réelle ou supposée dont ils se prévalent. Et ça, c'est complètement dingue, parce que jusqu'à présent, les gens avaient un statut en fonction de ce qu'ils avaient réalisé, pas en fonction de ce qu'ils avaient subi, qui est d'ailleurs quelque chose de très très très subjectif. Ils avaient bâti quelque chose, une entreprise, ils avaient, à la guerre, ils avaient fait des exploits, j'en sais rien. Maintenant, c'est des gens qui vous disent, voilà, moi j'ai souffert parce que ma condition fait que, voilà, je suis une victime, et vous me devez surtout des gens qui, en fait, ont eu confortablement à boire, à manger et à se loger pendant leur vie, quoi. En plus, c'est une escroquerie, bien sûr. Ah oui, c'est-à-dire, ce sont des gens qui, concrètement, n'ont pas du tout été des victimes, qui sont même, généralement, en situation plus ou moins confortable. Surtout en France, quoi. Hein. Enfin, au pays des aides sociales, il n'y a personne qui a le droit de se plaindre d'être discriminé pour quoi que ce soit, hein. Faut pas déconner. Hein. Et le truc qui est fou, c'est que la nénette qui dit « Voilà, je suis une blanche privilégiée, j'en ai marre », ce qui est déjà à mourir de rire, attend en réalité une reconnaissance. C'est-à-dire qu'elle dit « Je suis privilégiée, voilà, j'en ai assez qu'on me regarde, etc., que j'ai d'avoir un statut, etc. » Sauf que la fille descend dans la rue, se fout une pancarte sur le dos et dit « Regardez-moi, je suis là. » Bah, connasse, si t'es une blanche qui a honte de ce que tu es, va te cacher sous un rocher. Va pas au milieu d'une manifestation montrer ta sale gueule. Voilà. Ouais, mais comme le disait Hoffman, de toute façon, c'est de l'attention whorisme, tu vois, c'est de toute façon des gonzesses qui veulent de l'attention et qui en obtiennent via la victimisation et le virtue signaling, c'est-à-dire de toujours montrer qu'on est plus vertueux que le voisin, etc., etc. C'est un truc totalement pervers, ça ne s'arrête jamais et ce sont véritablement des caps psychiatriques. Et si jamais renversement il devrait y avoir, alors en France, je sais pas, en Occident plus largement, j'espère, dans un pays ou l'autre. Ah bah en Russie, en tout cas, ça marche. Hein. Il va falloir réouvrir beaucoup d'institutions pour traiter les malades mentaux, hein, parce que alors traiter avec des méthodes. Les électrochocs. Plus ou moins douces, hein, bien sûr. Pourquoi on se fait chier à garder ces gens-là? Je veux dire, la meuf, elle est blanche, elle est privilégiée, elle aime les nègres, mais... on la balance en Afrique. Vas-y. Ouais, je suis d'accord. Et voilà, va te faire partouser par des négros. Si c'est ce que tu veux, fais-le. Quoi. Donc, c'est dans le meilleur des cas, même. Il faut savoir que le plus probable est qu'elle finisse en casse-croûte. Bah tant pis. Hein. Ouais, on en a déjà parlé dans la dernière émission, c'est l'eschatologie gauchiste, oui. Ça c'est le top du top ça. La fin des temps par Sheikh Imam Hussein. On pourra affréter des C-130 et on balancera de la gauchiste au-dessus du Centrafrique et elles vont s'éclater, j'en suis sûr, aux ans stricts d'ailleurs. Moi tu vois, je serais pas étonné que cette nana soit prof ou qu'elle touche des jeunes et c'est un danger, tu vois, c'est-à-dire qu'elle... Elle contamine les esprits, tu vois. Alors effectivement, bon, celle-là, ça va, elle est folle. Donc les gens doivent bien se douter qu'il y a anguille sous roche. Mais imagine, tu mets ça en tant que prof de français dans un lycée. Voilà, quoi. Après, ça pousse des jeunes filles blanches à détester leur propre race. Ce qui est vraiment la dernière des choses à faire. Donc non, ah oui, bien sûr. Il faut la traiter maintenant au plus vite. Hein. Ah, je suis d'accord. On enchaîne avec le sujet numéro 3 de cette première rubrique. Suède, le premier gouvernement féministe du monde, entre guillemets, défile voilé en Iran. Oula. Alors, je vous cite l'article que j'ai trouvé sur le sujet. Ça fait le lien évidemment avec ce qu'on disait à l'instant. La ministre du commerce suédoise, Ann Linde, et plusieurs femmes du gouvernement suédois ont suscité l'indignation en défilant voilé devant le président Rouhani, donc président iranien. Le gouvernement suédois prétend pourtant pratiquer une politique étrangère féministe. La numéro 2 du gouvernement suédois, Isabella Lövin, avait récemment fait le buzz en postant sur Twitter une photo d'elle et son équipe après l'élection de Donald Trump, posant en train de signer un accord sur le climat. Une image qui n'était pas sans rappeler le cliché montrant Trump signant un décret contre l'IVG entouré d'hommes, ce qui avait suscité l'ire, la colère donc, des féministes. De nombreux internautes ont moqué le deux poids deux mesures du gouvernement et le décalage entre ces deux images. Qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus, les gars? Bah, c'est la nature féminine profonde qui ressurgit, quoi. Je veux dire, Les meufs, elles peuvent se permettre de cracher la gueule du mâle blanc après l'avoir castré au bout de 40 ans de manigance, mais quand elles sont confrontées à des boucas qui encore maîtres d'eux-mêmes, de leur civilisation et de leur bonne femme, bah, elles se comportent comme des bonnes femmes, quoi. Elles la ferment et puis elles font on leur dit de faire. Et elles mettent le voile, mais moi j'attends de voir, parce qu'elles font les malines, quoi. C'est du foutage de gueule, c'est du trolling en fait, avec leurs photos là, genre on signe pour imiter Trump, etc. Moi, j'attends de voir. Bon, Trump, il a autre chose à foutre en ce moment, mais j'attends de voir ce qui va se passer quand Trump va être confronté dans les relations internationales à la Suède. Tu vois, je pense que ça peut être rigolo, mais bon, à mon avis, on va attendre un petit peu parce qu'il se passe aussi beaucoup d'autres choses. Donc, oui, et puis à mon avis, il y aura d'abord la France pour se moquer. Oui, c'est vrai. Devant, quoi. Oh, puis de toute façon, non, il va faire comme il a dit, quoi. Il va les attraper par la chatte, et puis voilà, quoi. Non mais déjà, le truc c'est que déjà cette espèce de, on peut le dire, de tas de merde qu'est la Suède, qui fait presque honte à la France niveau gauchisme, hein. C'est-à-dire que la France est un pays d'extrême droite à côté de la Suède, hein, tellement qu'ils sont tarés là-bas. C'est un pays qui est gouverné par des femelles arrogantes, comme toutes les femelles en règle générale, et qui font du patronage. Et les nénettes, mais vraiment, là tu te dis, enfin, tu vois que c'est les ovaires qui parlent, quoi. C'est-à-dire que les fils font carrément une pause photo en tant que ministre. C'est un gouvernement, c'est pas une association, je sais pas quoi. C'est un gouvernement d'un pays qui fait une pause photo pour se foutre de la gueule du nouveau président de la première puissance mondiale. Les mecs, ah, vas-y, Donald Trump, regarde, tu vois. Et ensuite, les mêmes connasses vont en Iran, mais quelques semaines après, tu vois. Elles se foutent un voile sur la gueule, elles sont en procession, enfin, les images, hein. Elles sont en procession, il n'y a pas un mot, elles passent les yeux baissés devant le président iranien, etc. Donc, en fait, les nénettes sont en train de tenir la dragée haute au président des États-Unis, et quand elles passent devant une espèce de mola à la con dans un pays de bougnoule dont tout le monde se branle, à tout d'un coup... Putain, elle pas un mot plus haut que l'autre. D'autant voilà. Plus que, en parlant de la Suède, qui est effectivement devenue une vraie poubelle, j'ai vu, je crois, la semaine dernière, un reportage sur, je sais plus, je crois que c'est un collège à Malmö, il me semble, où c'est tellement une déchetterie en termes de matériel humain avec tous les Érythréens, les Somaliens, je sais plus ce qui débarque là-bas. C'est vraiment les pires des nègres, les plus arriérés de toute l'Afrique. Et ils ont été obligés de foutre des fils barbelés et des détecteurs de métaux autour de l'école pour empêcher les mecs de rentrer, de sortir n'importe comment. Tu vois, c'est-à-dire, on est en mode, on en parlait dans une émission précédente, si tu veux, c'est-à-dire que le concept de sécurité qui n'est plus assumé par l'État avec les pouvoirs régaliens, etc. Il n'y a plus de sécurité. Plus de frontières extérieures. Voilà, plus de frontières extérieures et la sécurité qui se déplace sur le plan presque du privé, voilà, de la famille autour de ton quartier, de ta maison, etc., etc. Et là, voilà, ils sont obligés de foutre des fils barbelés sur l'école, quoi. Enfin, c'est ridicule. Hein. Mais la Suède est vraiment une décharge, hein, maintenant. C'est... Bah, c'est le laboratoire par excellence. Je sais, ouais, mais je sais. Au niveau de la population, elle, bon, ils sont gauchisés, il n'y a pas de soucis, féminisés et compagnie. En nombre, par contre, je ne sais pas s'ils sont... Je crois qu'ils sont moins pires que nous. Hein. En termes de remplacement, ouais. Voilà, global, oui. Mais bon, vu le... Si tu veux, ça, à la limite, si tu vois, c'est pas finalement, je pense, l'indicateur le plus pertinent parce que... Au final, il suffit d'une petite minorité, enfin petite, mais d'une minorité, mais forte et décidée idéologiquement, à mon avis, pour retourner le curseur. Je veux dire, des blancs, et imaginons qu'il y ait ne serait-ce que, je sais pas moi, 15-20% de blancs bien décidés, qui soient bien à droite, qui n'aient pas de problème, que ça commence à s'entendre, etc. À mon avis, il n'y a pas de problème pour retourner une situation. En tout cas, il y a des choses qui vont se passer, bon. Le problème de la Suède, c'est qu'ils ont beau pas être aussi malmenés en termes du remplacement, en tout cas pas pour le moment. Ouais, il n'y a pas l'ombre d'une sortie de quoi que ce soit. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont tellement gauchistes dans leur tête, et particulièrement les mecs. C'est-à-dire c'est le pays où les mecs ont fait des lois pour qu'ils pissent assis, c'est un truc de malade, quoi. Et les mecs sont tellement gauchisés mentalement... Que bon, qu'il soit remplacé ou non, de toute façon, ça va se faire, quoi. C'est-à-dire, c'est pas demain, effectivement, qu'il y aura l'ombre d'une réaction là-bas. Hein. Ouais, de toute façon, ouais, c'est... Non, mais de toute façon, ouais, c'est évident. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais, non, c'est un pays qui est trop tapétisé. Puis en plus, c'est déjà... Ah, c'est les Vikings c'est... Non, les Vikings, ils sont au Danemark, j'arrête pas. Oui, c'est vrai, ça. Non, mais je plaisante, parce que c'est un cliché, tu sais, genre la Suède, les Vikings, tout mais ça. Mais non, c'est les tapettes de merde. Ils ont jamais rien branlé en Suède. Qu'est-ce qu'ils nous font chier? C'est un pays de branle-couille. On s'en tape de la Suède, là. C'est un mythe. Les vrais durs, ils sont au Danemark. C'est les Danois. Et c'est vrai qu'il me semble que le Danemark est particulièrement à droite en ce moment, non? Bah, ils ont fait de nouvelles propositions, j'aime autant vous dire que c'est pas piqué des hannetons. Hein. Ils ont passé un truc, là, c'était dans les nouvelles. Le Parlement, attention, c'est pas une mairie tenue par le Front National dans un bled à la con. C'est le Parlement qui a dit, on passe une motion pour refuser le principe de la mise en minorité des Danois dans les communes du Danemark. Donc en fait, c'est une motion qui refuse le remplacement de population. Ah bah oui, c'est clair, c'est contre le génocide des autochtones. Des blancs, et c'est le seul parlement mondial qui l'a fait, c'est le Danemark. Et à côté, et là-bas, ils sont très peu touchés. J'ai vu récemment un reportage au Danemark. Non, mais au niveau de l'immigration, quoi. Ah oui, bah pourquoi? Ils montrent, parce qu'effectivement, oui, ils sont debout. Et ils montrent, donc, il y a un niveau de civilité extrême là-bas. C'est-à-dire que t'as les femmes qui laissent leur bébé dans la rue dans une poussette, c'est le truc qui se fait pour qu'ils prennent l'air, en gros, qu'ils prennent un petit peu l'air frais, parce que l'air frais ça fait du bien, et voilà, sans problème, il n'y a jamais de problème, personne ne va venir voler, c'était carrément un luxe. Et comment ça se fait qu'il n'y ait pas de négro boucaque tout le bordel au Danemark? Donc il n'y a pas d'aide sociale, c'est quoi l'explication en fait qui fait qu'il ne vient? Est-ce que les frontières sont bien contrôlées? Je sais pas. Ils ont pigé que c'était une escroquerie et ils n'en veulent pas, c'est tout, tu vois, c'est... Parce que je crois que... T'as beau pas en vouloir, les mecs, ils viennent quand même, hein. Parce que au niveau aide sociale, il me semble qu'il y a quand même pas mal d'impôts, que c'est d'un pays assez peu libéral à ce niveau-là, qui est très... Ils ont énormément changé la législation, et c'est de plus en plus décourageant, et maintenant, si tu veux, quand t'es un métèque qui veut squatter un pays européen, tu vas pas au Danemark, tu vas en Suède, en fait, tu vas pas au Danemark. Non, en fait, si tu veux, le Danemark, au niveau du ratio impôt sur PIB, c'est un des plus... Enfin, c'est pratiquement 55%, quoi. C'est au niveau de la France, de la Belgique et de la Suède. Mais ils ont changé leur politique, en fait, après les viols de Cologne. Vu qu'ils sont quand même pas très loin des Allemands, ils se sont dit, bon, ça pue un peu, et c'est quand même très gauchias, hein, le Danemark. Mais là, ils en reviennent, hein. D'ailleurs, à Copenhague, il y a une communauté autonome, hein, donc c'est une sorte de grande TAZ, hein, c'est le concept de Piero San Giorgio à la base. C'est une zone autonome temporaire. T'as tous les gauchistes. Ils les ont un peu laissés se démerder, puis ils ont constaté que c'était la chienlit. Donc ils sont en train d'en revenir. Mais effectivement, ils sont pas encore trop remplacés. Mais ils sont en train de virer à droite, ce qui est une très bonne chose. En Europe, je crois que c'est le seul endroit où on a vu des gangs de blancs, en l'occurrence des motards, cartonner du bougnoul, hein, au Danemark. Hein. C'est de ce que j'ai lu, alors je peux me tromper, il y a des gens qui me corrigeront, mais au Danemark, il y a évidemment des gangs de motards blancs, et qui arrache la gueule des crouilles à l'arme automatique. L'espoir d'Europe de l'Ouest, quoi, le Danemark. Il donne le ton. En plus, un truc très intéressant, puisqu'on parle du Danemark, là, vite fait, c'était les États-Unis. L'armée américaine a fait un... Bah, évidemment, ça tombe sous le sens. Ils ont analysé toutes les armées qui ont collaboré à leur côté en Afghanistan ou en Irak. Donc, pour évaluer, par différents critères, quels étaient les meilleurs soldats, quoi. Mais haut la main, les Danois. Mais tu sais qu'il y a un film, d'ailleurs, qui a été fait là-dessus, qui montre une escouade danoise au combat en Afghanistan. Et les mecs, des fois, hein. Ça y va, quoi. Et ben, c'est là qu'on voit que la race à 1000 ans d'écart ne change pas. C'est-à-dire qu'en fait, les Vikings, ce qu'on appelait les Danes, quoi, si vous voulez, ils n'ont pas changé. C'est toujours les mêmes. Les Danois n'ont pas changé. La race est la race, si vous voulez. On peut pas tricher, quoi. Les tocards sont des tocards, les branleurs sont des branleurs, et les combattants sont des combattants. Et les Danois, bon, bah, ils ont beau, évidemment, la démocratie, machin, bah, quand vous les mettez dans les bonnes conditions, les types, ils se démontent pas. Et comme il y a une expression qui dit, hein, les Danois, c'est les hommes, et les Suédois, c'est les femmes. Hein. Ouais, non, c'est... Mais ils ont la même au Maghreb, d'ailleurs. Bon, c'est les Algériens qui ouvrent leur gueule, aussi. Mais ouais, d'ailleurs, disent, c'est tout à fait vrai. Et en fait, les Suédois ne sont pas si grands qu'on pourrait penser. Par contre, les Danois sont vraiment des grands types. Hein. Ouais. C'est vraiment des types qui font 1m90 en moyenne. C'est Européens. Hein. Alors là, ça déconne pas. Alors, le film en question, ça s'appelle Armadillo. Effectivement, c'est un film sur la guerre d'Afghanistan, peut-être un des meilleurs que j'ai vu. Et t'as vraiment un profil génétique chez les combattants. C'est... Attention, quoi, ça rigole pas. Super. Bah écoute, à voir. Alors, rubrique numéro 2, les amis, la gauchiasse de la semaine. On va pas s'éterniser là-dessus. Hein, c'est juste pour l'anecdote. C'est nos amis de Suavelos qui l'ont mentionné, ça m'a sauté aux yeux. C'est l'anarchiste brestoise Julie Le Goic, qui s'était foutu de la gueule, d'ailleurs, vous savez, du prêtre Hamel qui avait été égorgé par. Du prêtre égorgé, oui. Voilà, en Normandie. Par des quoi, des Algériens, je sais même plus. C'est quoi cette race encore? Des bougnoules. Ouais, des bougnoules, quoi, enfin, une engeance du diable. Julie Le Goic, donc qui s'était déjà fait connaître à l'époque, voici ce qu'elle dit sur son compte Twitter. La Bretagne est tristement blanche. Tristement blanche. Alors en fait, il faut aller sur son compte Twitter et lire l'échange, c'est un truc, enfin, c'est à coucher dehors. Hein. Mais bon, bah on a encore. C'est assez parlant parce que en fait, on se dirait, mais parce que dans son échange Twitter, elle dit moi je fais pas attention aux couleurs. Ouais, je regarde les êtres humains. Je regarde les êtres humains, je regarde pas les couleurs. Et puis la fille, tu dis, ah bon, donc en fait, t'es daltonienne, quoi. Tu fais pas attention aux couleurs, tu comprends pas trop les couleurs. Mais c'est marrant, mais quand c'est des blancs, par contre, là, tout d'un coup, ça devient vraiment gênant, quoi, tu vois. Et en fait, bon, ok, t'es atteint d'ethnomasochisme, tu es ta race, et t'as envie de te détruire, t'es suicidaire, et t'as envie qu'on sombre tous avec toi, quoi. Alors, si quelqu'un, vite fait, comme ça, en passant, a envie d'en parler, sinon on passe la rubrique suivante. J'ai juste vu une photo, on la voit toute souriante, à côté de tout aussi souriante Daniel Cohn-Bendit. Donc, voilà. C'est très beau. Ah, c'est une rouquine. C'est ça qui fait mal au cul, c'est-à-dire que c'est une rouquine dont le profil racial, il est... Bon, ouais, c'est pas que c'est une jolie fille. Elle a quand même une sale gueule. Hein. Elle a une sale gueule, je suis d'accord avec toi. Bon, non, elle est pas non plus... c'est pas Quasimodo non plus. Elle est pas jolie. Mais c'est pas non plus une Rome, quoi. Mais on voit que ils veulent aller vers le fond de la cuve, quoi. Bon, elle a quand même des dents de cannibale, hein. Excuse-moi. Bah, c'est surtout que c'est une prof, en fait. Ouais, il y a ça. Ouais, c'est une prof de gauche qui trouve que le maire socialiste Cuyandre est beaucoup trop à droite. Le maire de Brest, hein, c'est ça? Ouais, le mec qui passe tous les désirs aux salafistes. Ah, c'est intéressant. Hein, ah, c'est théorie, compliqué. Ah, mais vous savez qu'ils ont, la rouquine et toute la crasse extrêmement, ils ont même été jusqu'à manifester contre la fermeture de la mosquée islamiste. Parce qu'il fallait pas faire le jeu de l'extrême droite. On veut des boucaques. non, mais Brest, on en parlera une autre fois. C'est la cour des miracles, mais version 2017. Hein. Ah là là. Ouais, non, mais elle, tu l'envoies en Afrique. Je sais pas ce qu'ils en font, mais avec la rousseur de ses cheveux. Alors pour moi, les rouquines, c'est qui tout double. Hein. Ou c'est des bombes sexuelles, ou c'est des tons. Là, elle a parlé de la catégorie. C'est réglé, là, je crois. Je crois que c'est réglé. Mais je sais pas ce qu'ils en font, mais il conserve ses cheveux, quoi. Il la brûle et puis ils mettent ça dans les champs. Du coup, elle manifeste pour l'ouverture des, enfin, oui, la non-fermeture des mosquées salafistes. J'aimerais bien l'avoir 5 minutes, tu vois, dans un environnement. En fait, faudrait tester le truc à la suédoise. L'envoyer en Iran, voir si elle le voile ou pas. T'sais. Encore en Iran, c'est assez soft, tu vois. Moi, je serais plutôt pour l'envoyer en Arabie Saoudite. Non, parce que. Alors, en Syrie, justement. On parlait justement de la Suède. Alors, à la Suède. qu'on leur a dit, quand il y a eu toute une polémique en Suède, on dit, vous êtes des faux culs parce que quand vous allez en Iran, vous baissez bien vos falzars. Elles ont, alors, elles ont osé sortir ce truc. Oui, mais rassurez-vous, quand nous irons en Arabie Saoudite, nous ne porterons pas le voile. Et les mecs se sont renseignés, oui, mais en fait, c'est pas obligatoire quand on est un représentant étranger d'un gouvernement étranger. Quand on est une femme, on n'est pas obligé de porter le voile. C'est pas du tout obligatoire en Arabie. Voilà. Donc en fait, ils ont dit, oui, mais rassurez-vous, maintenant, ça ne se reproduira plus. Oui, et pour cause, tu vois. Et je serais curieux de voir ce que la rouquine ferait dans les mêmes circonstances. Malheureusement, je pense que ça n'arrivera pas, parce que je ne crois pas qu'elle arrive à ce niveau de responsabilité. Enfin, j'en sais rien, parce que la France, c'est un pays assez magique. Oui, oui. Oui, autant pour moi. François Hollande est président de la République, hein, je te le rappelle. Oui, et demain, les miracles du Coran. Lecoranguerit.com. Tu le lis, il te guérit. Oh mon dieu. Voilà. Alors, Justice Rouge, rubrique numéro 3, chers amis. Alors là, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je vous lis l'article de l'Est républicain. Et le titre, hein, Facebook, Slimane menace d'égorger Nadine Morano, 500 euros d'amende avec sursis. Putain. Au tribunal correctionnel de Nancy, le président Aoui devient au fil des semaines un véritable spécialiste de la, je cite, menace de mort à l'encontre de Nadine Morano sur les réseaux sociaux, parce que visiblement il y a beaucoup de plaintes. La semaine passée, il a condamné deux hommes pour ces faits, un troisième prévenu lui faisait face hier, et un quatrième homme comparaîtra bientôt. Ce vendredi donc, à Bar, Slimane, 31 ans, le 20 août dernier, ce tuyauteur a publié ce message sur son compte Facebook à propos de la députée européenne touloise. « Toi, tu vas finir égorgé, sale grosse truie. » Alors, vous avez utilisé le... Ah ouais. Le rapport à l'égorgement, hein, le khalouf, hein, n'est-ce pas, le cochon. Exactement, exactement. Vous avez utilisé le pseudo Hitch Larson, souligne le président. Attends. Vous n'avez pourtant franchement pas un look suédois. Ah ben quoi, enfin, dans 5 ou 6 ans, il aura un look tout à fait suédois. Quoi. Non mais de voir un magistrat qui troll comme ça, c'est assez marrant. Ah ouais, c'est beau. Alors, il répond. Je voulais qu'elle arrête de faire passer des messages d'appel à la haine. Glisse le prévenu. En cause, selon lui, comme la semaine passée, le tweet de Nadine Morano publié le 1er août 2016 qu'évoquait une, je cite la députée, une invasion massive arabo-musulmane. Le préfet a invité tous les élus à faire part des menaces dont ils feraient l'objet, explique le président. Je vous rappelle que la France a été la cible d'attentats, la vigilance est donc toute particulière. Slimane bat sa culpa. Je regrette d'avoir écrit ces propos. Enfin, il faudrait que je le fasse avec l'accent, mais je le ferai pas. Ces propos aussi graves. C'est la première fois que je poste ce genre de message. Ouais, on te croit, Slimane. Le procureur requiert 600 euros d'amende pour cette réaction épidermique. Et écoute, dixit le procureur. Hein. Réaction épidermique. Une menace de mort sur un élu. Mais inadmissible, on est rassuré. Mon client est sur Facebook depuis 2008 et n'a jamais rien eu à lui reprocher. Souligne Maître Moudni Adam. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la con? C'est le Boukak. Hein. Ouais, Bougnoul. Jugement. 500 euros d'amende avec sursis, comme la semaine passée. Non, mais réagissez. Qui veut réagir là-dessus là? Je sais pas. Je crois qu'il y a des personnes là, qui sont condamnées pour avoir dit nègre ou pour avoir dit... 2 ans de prison ferme, effectivement. Oui. Je ne sais pas à qui tu fais mention, mais... Je crois que si tu dis qu'il n'y a pas de celte noir en France, tu risques de la prison ferme. Et là, c'est 100 euros d'amende pour menace de mort. Quoi. Bon, tout va bien. Mais pour l'instant, il n'y a pas de chasse au négro hein, de la part de l'extrême droite. Par contre, les Arabes qui font des cartons partout... Mais non, laisse faire, ça menace de mort. Ah, mais Slimane, c'est un bon garçon. Hein, En plus, il essaie de s'intégrer, tu vois. Il utilise le pseudo Hitch Larson, tu vois. C'est l'assimilation, quoi, tu vois. C'est un Européen de souche. Voilà, messieurs. Bon, on va faire une petite pause musicale et ensuite on se retrouve pour un débat animé, j'espère, comme la première partie de l'émission. À tout de suite, chers amis. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission, et sans transition, j'ai envie d'interroger ceux qui nous écoutent sur cette sortie d'Emmanuel Macron, puisque nous sommes en pleine élection présidentielle. Emmanuel Macron qui a dit que la colonisation, pas forcément besoin de s'éterniser, mais si quelqu'un a envie de réagir, qui a envie de me dire quelque chose là-dessus? Ça fait un peu parler quand même tout ça. Bah, déjà, Magdav, vas-y. Il faut rectifier les mots. Il n'y a pas eu de colonisation de l'Algérie. L'Algérie n'existait pas. On l'a créée, l'Algérie. D'accord. Enfin bon, on va dire qu'il y a eu une colonisation de peuplement de l'Afrique du Nord dans cette région, on va dire. Bon, si c'est pas l'Algérie. C'est oui, mais bon, c'est un point de vue intéressant. Oui, effectivement, quoi. C'est effectivement l'Algérie en tant que telle n'existait pas avant la colonisation. Ça, c'est un fait. Mais en gros, bon, Macron, il a un... bon, il démarche l'électorat. Hein, c'est clair. Bon, il démarche l'électorat musulman. Donc, il leur dit, voilà, voilà, nous, on est des, on se gêne en place publique pour vous faire plaisir en espérant que vous voterez pour nous. Bon, c'est un coup politique. Qu'est-ce que... Personne n'a envie de réagir de plus là-dessus? Non, ça se passe bien. Ah, écoute, vous là, l'avalez. Je peux te rajouter que Macron est une pute, qu'il est prêt à dire n'importe quoi pour faire des voix, et que si en plus, au passage, il peut cracher sur la France, bah, c'est double bonus, quoi. Voilà, bah, c'est fait une merde. Il faudra voir ce que ça donne, en fait, au niveau des enquêtes d'opinion, cette sortie-là. Ça sera assez intéressant sur l'état du peuple français, l'état de l'opinion publique, savoir si faire la lèche aux Algériens ça paye ou si il n'y a encore pas, il n'y a pas encore suffisamment d'Algériens et de métèques pour qu'une telle déclaration de soumission ça paye, quoi. Ben oui, mais bon, est-ce que je sais pas, on va voir, est-ce que ça va payer. Même les journalistes gauchias, je crois qu'ils sont un petit peu en mode bon, attention quand même. Hein. Oui, enfin, c'est surtout très démago parce que bon, on n'a pas, c'est pas les blancs qui ont apporté la colonisation en Afrique. Tu vois, enfin, c'est la colonisation, c'est un fait historique quasi constant et même à l'intérieur de l'Afrique, il y a eu des colonisations. Et je parle pas de la colonisation arabe ou turque qui a eu lieu en Algérie et plusieurs fois, parce qu'en fait il y a eu plusieurs colonisations arabes. Mais par exemple, maintenant je sais que les collégiens doivent apprendre l'Empire du Mali. Moi je croyais que l'islam était une religion de paix. Bah oui, effectivement, c'est une religion de paix et de bisounours, c'est totalement démago. De toute manière, Macron est la créature d'Hollande, hein. Et effectivement, il a pour but. Je sais qu'on prête corrige, mais enfin, Hollande, là, c'est un peu fort. Quoi. C'est surtout la création de la banque juive. Hein. Ouais, évidemment, mais bon, Hollande est un peu derrière également, tu vois. Oui, pose. Ouais, bon. Regarde qui est derrière Macron. Enfin, franchement. Ou alors t'as des lobbies homosexuels, enfin comme Berger et tout. Enfin, c'est vraiment, on sent en fait que Macron c'est vraiment, c'est même pas qu'on le sent, c'est une réalité, une réalité observable. C'est pas quelqu'un qui c'est pas du tout un candidat du peuple ou quoi que ce soit. C'est même pas un candidat de l'élite au sens traditionnel du terme. C'est pas quelqu'un qui vient d'un parti dominant, il fait pas partie de l'aristocratie d'un parti dominant, comme jadis Sarkozy, comme jadis Hollande, etc. C'est vraiment quelqu'un qui est un nobody, tu vois, c'est quelqu'un qui n'est personne. Ça me fait penser beaucoup à la... Enfin, c'est une forme de star académisation de la politique française. Bah ouais, non mais... Sauf que tu ne peux pas voter. C'est ça qui est génial avec Macron. C'est les autres qui votent, tu vois. Mais toi, tu votes pas. Le public vote pas, en fait. On te dit, voilà... On va te mettre le client. Voilà, le champ est assez ouvert. Voilà, on va prendre celui qu'on pense être le plus utile. Ils sortent un trou du cul comme Macron, qui est franchement une quiche totale. Enfin, on le voit parler en public. Le mec est une bille, quoi. Tu vois. Bon, ils le mettent là. Enfin, c'est une bille, probablement. Tu vois, c'est un banquier de troisième rang. Tu vois, voilà. Bon, ils essayent de t'en faire un cheval de compétition. ils te disent voilà, bah, le mec c'est évident, il va gagner, c'est garanti, etc. Choisissez entre ça et Marine Le Pen. Ben oui, mais écoute, moi j'ai croisé des militants de Macron, donc je pensais vraiment que c'était une pure création médiatique et qu'il n'avait aucun soutien quoi, de terrain. Mais non, non, en fait, il fait une campagne qui est assez intelligente, qui est axée locale. Et c'est un candidat du système qui se fait passer pour un candidat anti-système. C'est assez génial, d'un point de vue stratégique, c'est plutôt malin. Et il parle aux gens, tu vois. Moi, le tract que j'ai reçu dans ma ville, c'était la lutte contre le RSI. Ce qui est juste complètement surréaliste, parce que le mec qui a créé le RSI, c'est-à-dire en fait le mec qui a contraint les entrepreneurs de France à cotiser au RSI, qui est en fait c'est pas un organisme public, hein, c'est un organisme privé qui fait des bénéfices, mais tu es obligé de cotiser un système, sinon on t'envoie en tôle. Ouais, donc ben c'est ce un monopole, derrière c'est, un monopole. Ouais, c'est magnifique ça. C'est la mafia. Ouais, c'est la mafia, et le type prétend dézinguer le RSI, alors que le mec qui a créé le RSI est à ses côtés. Donc c'est-à-dire, quand tu vois ça, ben déjà tu te dis que la démocratie c'est quand même de la chiasse. Mais d'un point de vue purement stratégique, tu te dis que les mecs sont assez malins. Alors, sujet numéro 2. Sujet numéro 1, mais numéro 2 de la deuxième partie. Ce sont les émeutes raciales. On va pas s'éterniser là-dessus non plus, hein, je vous rassure. Mais là, ça a quand même secoué vachement fort en France. Je vois que... Enfin, je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'à Argenteuil, il y a eu la police traquée par des bandes ethniques en vidéo. Ça a été visible. On a vu aussi à Bobigny des images très... beaucoup d'images à Bobigny de policiers qui déambulent, qui évoluent entre les grandes tours avec des bandes ethniques qui leur balancent des cocktails Molotov, qui des cailloux, etc. C'est assez saisissant. Je ne sais pas si... je veux juste récolter d'abord, avant de continuer, votre sentiment là-dessus. Pratiquement une semaine, bon, d'émeutes, mais d'émeutes assez molles, somme toute. On n'a pas vu, c'est pas la même intensité qu'en 2005. Hein. En 2005, ça brûlait, ça caillassait extrêmement violemment. C'est un peu plus mou. Mais enfin, on est dans une situation assez hallucinante où, à 2 mois des élections présidentielles, on a, somme toute, des émeutes raciales qui se déroulent, voilà, bon an, mal an. Une police qui fait plus ou moins son job, c'est filmé. Les gens ne s'en offusquent pas tellement. Enfin, il y a un climat carrément délirant. Je veux dire, moi, je pense que les gens ont compris que la France était devenue une gigantesque poubelle. Donc, voilà, c'est normal. Ouais, c'est ça, s'il y a une espèce d'indifférence. Bah oui, quand t'es en Ile-de-France, de toute manière, tu ne peux qu'être indifférent. Sinon, soit tu t'es flingué, soit tu as fait quelque chose de pas très légal. Enfin, voilà. Ouais, on est dans une... Il y a des vidéos qui circulent, hein. J'invite les gens à la regarder sur YouTube. Bah, c'est la gonzesse, là, qui crie « c'est ça les Français », quoi. C'est-à-dire qu'ils ont, enfin, ils ont compris maintenant que c'était la poubelle à bougnou. Ouais, c'est une Chinoise qui s'est fait péter sa vitrine et qui se fait piller son magasin de bijouterie. Ah, c'est marrant, parce qu'en fait, tu vois, t'as les Chinois qui se plaignent que les Français sont plus des Français de souche, quoi. C'est absolument délirant. France poubelle. Mais c'est en direct, hein, c'est filmé. Hein, c'est pas un mytho de l'extrême droite, c'est pas du tout une invention. Hein, c'est absolument vrai ce que tu dis. Effectivement, ouais, c'est... On en arrive à ce stade-là, ouais, effectivement. Comment dire ? Dans la foulée, on a vu des véhicules de policiers à leur domicile incendiés par des inconnus, quoi. Et dans le même temps, d'ailleurs, on a l'extrême gauche. On en avait parlé la semaine dernière, mais il y a l'extrême gauche aussi qui se solidarise de ces troubles. Oh, comme c'était étonnant. Ah oui, non, mais bien sûr, mais... Tu veux dire, l'extrême-gauche se solidarise de métèques enragés, Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est carrément les gaziers. Ils repèrent les domiciles, ils vont carrément. Et en plus, c'est ce qu'il y a de bien, c'est que vu qu'ils sont à gauche et que les juges sont. Ils se réunissent avec les juges hein, le vendredi soir pour Shabbat. Du coup, ils n'auront rien, qu'ils risquent rien. Nickel, quoi. Ouais, parce que tu veux dire, parce qu'effectivement, le syndicat de la magistrature qui a appelé à manifester demain ou aujourd'hui, je sais même plus. C'est bien, le syndicat qui appelle à manifester. Ouais, syndicat qui appelle. Non, mais syndicat de la magistrature, syndicat de juges. Donc les juges sont syndiqués, les juges rouges appellent à manifester contre la police. Voilà, tout va bien. Non, mais tout se passe bien, je veux dire les juges. Surtout que ces mêmes juges de merde relâchent. Tous les métèques en France, on est quand même le pays. Je sais pas si ça existe ailleurs. On est le pays où il y a des multirécidivistes. Dès qu'il y a des faits divers, voilà, multirécidiviste, condamné depuis qu'il a l'âge de 12 ans, 45 condamnations, etc. etc. Et ça, c'est quand ils sont condamnés. Et alors qu'ils sont condamnés, on leur met du sursis, 500 euros d'amende là pour le mec qui fait des menaces de mort. Enfin bref, voilà, donc les flics c'est eux les seuls qui pourraient faire des manifestations contre les putains de juges rouges. Et non, c'est les juges rouges qui appellent à manifester contre les flics. C'est incroyable, incroyable. Qui veut réagir là-dessus sur les juges rouges qui appellent à manifester, syndicat de la magistrature qui appelle à manifester contre les policiers en solidarisant de Théo? Théo Louaka, qui est un mythomane, hein, avéré, hein, c'est clair, enfin, cette histoire de viol est une escroquerie. On l'a vu d'ailleurs dans sa dernière vidéo, il est sorti de... Putain, mais c'est hallucinant, ça. Il est sorti de son hosto à la con, il fait une vidéo, il est assis. Donc il est assis sur ses 10 cm cousus, soi-disant, tu vois, et il te dit, ouais, merci, machin, truc. Et c'est une escroquerie totale, mais c'est une escroquerie totale, ce truc. Puis après, il est allé faire 200 bornes en vélo, c'est ça? Non, mais c'est hallucinant. Ouais, et là, il y a le témoignage du policier qui, effectivement, contredit totalement la version de Théo, là. On l'appelle par son petit prénom, tu sais. Ouais, ça me gonfle, ça me gonfle. On l'appelle le nègre. Non, c'est un nègre. Et c'est l'affaire de la négrification de la France. La gestion de la sauvagerie du nègre en France. C'est ça, l'affaire. Et c'est en fait, là, ça fait 15 jours. Ça fait 15 jours que ça crame quotidiennement. Et en fait, c'est juste le tout début de ce qui risque de se passer dans les années à venir. C'est-à-dire des meutes de nègres totalement incontrôlable, excité par des juges rouges qu'il faut, il va falloir régler leur cas, ces juges, hein. Parce que sinon, soit c'est eux, soit c'est nous. Ouais. Il va quand même falloir régler l'affaire. Ouais, totalement. Non, mais c'est hallucinant, hein, le syndicat de la magistrature qui appelle avec la Ligue des droits de l'homme, financée par Soros, liée aux frères musulmans d'ailleurs, la Ligue des droits de l'homme qui a fait des communiqués de presse avec le CCIF, Collectif contre l'islamophobie en France, organisation gigogne des frères musulmans, de l'UOIF, financée par le Qatar, etc., et des organisations terroristes. Ce truc agit tranquillement sur le sol de l'État français, et pas étonnant, le gouvernement socialiste est intégralement financé par le Qatar, financé par l'Arabie Saoudite et tous ces pays à la con. Ces types font ce qu'ils veulent, tranquillement, ils appellent à l'émeute contre la police française, et la police française ferme bien sa gueule, et quand elle manifeste mollement, et l'extrême gauche peut faire ce qu'elle veut, peut faire des piquets de grève, etc., et les juges rouges servent de relais. Mais c'est fabuleux. C'est fabuleux, la France communiste, main dans la main, avec la racaille afro-maghrébine islamique. Génial. Super, on n'en demandait pas tant, quoi. Enfin bon, quand même, par contre, rassurons-nous, hein, n'allons pas dire que les Noirs ne sont pas des Celtes, ça pourrait aller très très loin. Ça pourrait aller très très loin. Bah ouais, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu appelles à la guerre civile ouvertement, et que tu fais partie du syndicat de la magistrature, c'est normal, mais tu peux le faire. Par contre, quand un Blanc appelle à la haine, la, la terrible haine où quand il quand comment dire justement il met en garde contre une possibilité de guerre civile due au renversement démographique de ce pays, là effectivement c'est méchant, c'est pas bien. Donc en fait c'est comme la chasse à la galinette cendrée en fait, hein. L'appel à la haine, tu as le bon appel à la haine, celui qui est validé par le syndicat de la magistrature, et puis tu as le mauvais appel à la haine qui est celui des blancs et des identitaires français. Alors, sur ces entrefaites, l'État socialiste n'est pas radin. 75 milliards d'euros engagés pour désenclaver les cités. Ouais, ma tessie, putain, 75 milliards. Coïncidence du calendrier. Alors qu'une série d'émeutes ont éclaté ces derniers jours dans plusieurs banlieues en réaction à l'affaire du jeune Théo, donc du nègre mythomane, François Hollande inaugurait ce jeudi à Rennes la deuxième phase du grand programme de renouvellement urbain en faveur des quartiers. L'occasion de revenir sur l'un des plus gros chantiers initiés ces 10 dernières années par l'État français. Alors, il a été dans le quartier à Morpa à Rennes. Il a dit c'est un des quartiers les plus heureux de France. Alors, je vous raconte pas ce que c'est. C'est un putain de trou. C'est un putain de trou à Bougnoul et à Nègre. Tu te fais trancher la gorge si tu fais n'importe quoi dans ce putain de Capharnaüm, quoi. C'est connu de partout en Bretagne. C'est un trou à crouille. Et Hollande, il arrive. C'est le quartier le plus heureux de France. Un des plus heureux. Voilà. Tu m'étonnes, il est arrivé avec un énorme chèque. Les gars, là, on a la manifestation du fonctionnement de la politique en France. En fait, plus t'es violent en France, plus t'es organisé et violent, plus on te file du pognon, tu vois. Plus l'État, il lâche les chèques, tu vois. Toute cette racaille de politiciens, il lâche la thune, tu vois. Donc les mecs, ils ont cramé des bagnoles, ils ont foutu le cirque, ils braquent, etc. Donc à la clé, ils ont quoi ? Rénovation, gros chèque, 75 milliards d'euros sur 10 ans, vas-y que je te, tu vois. Toi, pour leur faire des logements propres à ces putains de... Donc ces putains de négros... Logement... Enfin, il faut leur faire des logements propres parce que les leurs, ils les ont salis eux-mêmes. Hein, voilà. Ouais, je sais pas si ce sont des presque humains. Ils jettent les poubelles par les fenêtres. Ils pissent dans les cages d'escalier. Ils pissent dans les ascenseurs. Enfin, voilà, hein, j'en passe des pires. Donc ils salopent leur putain de trucs et il faut leur nettoyer leurs clapiers et leur foutre des trucs encore plus classe, etc. Putain, pendant ce temps-là, t'as les prolos. Le prolo qui paye ses impôts, qui a rien, qui lutte à la. Non, franchement. Le Parti Socialiste, c'est un parti de putain qui doit être nettoyé de A à Z, premier point. Deuxième point, l'administration française est un ramassis de suce-chiasse qui fait le jeu de toute cette crasse islamique et africaine. Et tertio-trimo, comme disaient les inconnus, il est grand temps de nettoyer les écuries d'Ogias. Grand temps, à mon avis. À mon avis, 75 milliards sur 10 ans. Tout se passe bien. Hein. Ouais, 7 milliards à l'année. Vas-y, que je te. C'est Toto qui régale, quoi. Ça fait des années qu'on fait ça. Ça ne sert strictement à rien. On a investi mais des milliards et des milliards d'euros dans la politique de la ville. Ça ne sert strictement à rien. Parce que le nègre, c'est programmé en lui. C'est génétique. Le nègre détruit son environnement. Je crois qu'il n'y a aucune autre espèce. Peut-être même, je suis même pas certain que le cafard fasse ça ni le rat. Partout dans le monde, le nègre détruit son environnement. Ah, il faut revenir sur le fonctionnement. Dès que tu mets du pognon, tu fais tourner la machine, quoi. Alors il faut revenir sur le fonctionnement de base du gauchiste et du socialisme. C'est-à-dire que les mecs partent du principe tous les êtres humains sont égaux. Tous les êtres humains sont égaux. Donc s'il y a des problèmes, c'est pas les êtres humains qui sont la cause, c'est l'environnement. Donc si dans les quartiers, c'est la merde, bah c'est pas du fait que les nègres sont des nègres, c'est pas du fait que les bougnoules sont des bougnoules, c'est parce que tu vois, la tour elle est un petit peu trop haute et que la route, la rue, l'avenue elle est pas assez espacée, tu vois, il y a pas assez d'arbres, tu vois. Donc on va tout rebâtir, tu vois, et comme ça les nègres seront un peu moins nègres et les bougnoules seront un peu moins bougnoules, tu vois. Et puis dans 10 ans, tu vois, on va se rendre compte de quoi ? Bah, que les nègres, leur nombre ayant peut-être été multiplié par 2 ou par 3, sont encore plus nègres, ils sont encore plus sauvages. Et ils vont se dire, putain, merde, en fait, l'avenue, elle n'est pas suffisamment large. Tu vois, on avait vu large, mais ce n'est pas assez. Et en fait, il ne fallait pas mettre 75 milliards, il fallait mettre 350 milliards. Tu vois. Il faut en finir avec la gauche. Il faut en finir avec tous les hommes politiques de gauche. Tous ces idéologues, tous ces putains de profs de merde, tous ces spécialistes de mes couilles, tous ces psychologues de chiasse, toutes ces universités, tous ces putains de conseillers de mes couilles, tout ça, ça doit être foutu dans des camps de concentration, soit au travail, soit être éliminé. Mais franchement, c'est ça qu'il faut faire. Juste une petite remarque, hein, ces avalanches de pognon encore déversées pour faire tourner la machine nègre, c'est... C'est encore de l'ultralibéralisme, hein, c'est ça. Je crois qu'en France, on souffre de l'ultralibéralisme. Ah oui, à fond. Là, ouais. là, c'est du libéralisme insoutenable. Hein. Ah ouais, là, c'est grave. Là, appelez Francis Cousin, Alain Soral et tout le monde. Hein. Ah là, il faut du Karl Marx pour nous guérir, quoi. Hein, c'est, bah, on va dire, c'est-à-dire que l'ultralibéralisme. Le capitalisme, à force de nous écraser, nous écrase tellement qu'il nous écrase. De nègres et de travaux publics, hein. Voilà. Hein. On va encore une fois saigner les blancs et leur empêcher d'accéder à des logements un peu décents pour loger les nègres. C'est une politique en fait anti-blanc. Quoi. Je pense que quelque part c'est raciste. Hein. Je pense que c'est une politique raciale anti-blanche et très raciste. Bah, c'est pas quelque part, c'est juste ça, quoi. C'est exactement ça. C'est la politique, donne-moi ça. C'est les nègres, quoi. Donne-moi ton truc, là, tu vois. C'est tout. Donne-moi ton portable. Mais franchement, c'est ça. Cette politique, c'est ça. C'est donne-moi ton portable, c'est tout. Ça va plus loin que ça. Alors, les gars, avant de conclure, on va conclure, bien sûr, sur cette affaire. Sur l'affaire Théo, putain, mais j'ai même pas envie de l'appeler comme ça, ce fils de pute de nègre. Oui, le dieu de la France, Théo. Et voilà, le dieu de la France couronné par François Hollande, quoi. Donc le sale nègre, voilà, le sale nègre a reçu le soutien de tout le show business. Bon, très coloré ethniquement, le show business, hein. Deux couleurs, hein, les deux couleurs principales. Alors, Tribune en Libération, bon, financé par Patrick Drahi, milliardaire israélo-suisso-français, j'attends la quatrième ou cinquième nationalité, je ne sais pas. Alors, on cite hein, en vrac le nom des mecs qui se sont découverts une solidarité de classe, ou de race surtout. Avec la pseudo-victime, Bernard-Henri Lévy, ah oui, lui, bien la misère, lui. Omar Sy, Black M, tiens donc, Yannick Noah, encore, Kassovitz, mon Dieu, Boujna, Bruel, Patrick Bruel. Benguigui. Benguigui, putain, mon Dieu, putain, lui il aime, pourtant, il aime bien défendre les frontières d'Israël, je sais pas pourquoi il aime autant les nègres en France, je ne sais pas, bonne question. Yann Moix, l'ancien révisionniste reconverti en pro-sioniste, très étonnant. Fourest, la lesbienne hystérique, quoi, qui se découvre une passion, n'est-ce pas, pour les gros misos des banlieues. Pascal Legitimus, eh oui. Oh là là, tombé bien bas, lui. Eh oui, c'est la chute. Mais la race, tu sais, ça te rappelle souvent vers 50-60 ans. Hein. Akhenaton, bon, lui, il s'est converti à l'islam, donc c'est pas surprenant. Pierre Berger, le vieux sac octogénaire, grosse tentouse, amateur de gosses au Maroc, qui se rallie pitoyablement à cette espèce de cause perdue. Et enfin, Zebda. C'est de la merde. Et Eric Cantona. Eric Cantona. Le Rital rouge. Lui, je le tiens. Le Rital rouge, cette espèce de métèque par procuration, tu vois. Ah la vache, putain. Ah, il s'est tapé dans un ballon et putain, il a pas raté sa vocation de communiste, celui-là. Ah, la crapule. Alors, Zebda, alors moi, j'ai eu le malheur de les voir en direct. Et c'était pas même pas volontaire, parce qu'en fait, c'était avant un concert. Et ces trous du cul faisaient des avant-concerts, des premières parties. Mais c'était même pas des premières parties, c'était des premières de parties, j'en sais rien. Et c'était déjà de la chiasse. Très étonnant, ça. C'est étonnant. La chiasse perdure. Alors, sur toute la liste de trous du cul, est-ce que vous avez, je sais pas, Kassovitz, Boujna, Bruel, Moix, Forest, Legitimus et compagnie, Black M, Noah, et alors, quelqu'un a envie de dire un truc là-dessus ou quoi? Je sais pas. Ah, ils méritent, hein, ces enculés. T'as fait beaucoup de juifs, non? Enfin. Alors, ça. Ouais, beaucoup de sémites, ouais. C'est très sémitique, on dirait quand même, hein, alors, non? Il y a beaucoup de juifs et de noirs, ça ressemble quelque part à l'équipage d'un bateau négrier, quoi. Donc, avec sa cargaison. Bah, en fait, on voit la bande qui est l'homme blanc et visiblement, ils se retrouvent, quoi. Ah, bah, c'est mouvant. Non, mais c'est sémitique. Ouais, non, mais c'est sémitique et juif, hein. C'est sémitique et africain, quoi. Ah ouais, là clairement, ouais. Boujna, c'est Boujna, je me rappelle même plus qu'il existe à ce point. Gros tas de merde, lui. Oh la vache, putain. Ah bah, surtout, gros masque, quoi. Lui, il a vraiment le visage boursouflé, quoi. Bon, bah, Pascal Legitimus, une déception, quand même. Hein. Déception, hein. On pensait. On le croyait intégré, assimilé, mais. Non, mais de toute façon, les inconnus, ils sont tous fait retourner. Hein, je veux dire. Bourdon, le seul qui a à peu près tenu, il avait fait un vieux clip à la con pour protester contre le politiquement correct, mais le mec. Je sais pas sous quoi il est. Négresse, s'il te plaît. Oui, c'est vrai, putain, il est avec une négresse, il est sous cortisone, il est immonde, enfin, c'est une sorte de blob géant, c'est n'importe quoi. Et ouais. Et l'autre, tu sais plus, Campan, il s'est reconverti dans les films psychologisants de merde. Les films à la comment il s'appelle, à la Vincent Lindon, hein, tu vois, c'est un petit quelle sale fin quand même. Hein. Génial dans les années 90 et tout d'un coup cataclysmique pendant 20 ans, quoi. Ouais, chaud quand même. Bon, en tout cas, ils ont pris parti, fait et cause, pour l'anus de Théo Louaka, qui a quand même captivé la France, puissance nucléaire, pendant une semaine. L'alpha et l'oméga de la politique française, c'est le trou du cul d'un nègre. C'est merveilleux. C'est bien résumé. Alors, sujet numéro 2, chers amis, et ce sera celui, le dernier sujet de notre émission d'aujourd'hui. C'est Donald Trump. Donald Trump en guerre totale contre la presse américaine. La presse du système, hein, la grosse presse qu'on appelle chez nous, la grosse presse, les très très gros très gros titres. Aux États-Unis, c'est le New York Times, Washington Post, CNN, CBS, ABC, ce qu'ils en ont chez nous, TF1, LCI, Le Monde, Libération. On a les mêmes, hein, on a à peu près les mêmes, c'est à peu près les mêmes titres. Et c'est une démonstration de force pour le président américain. Et la semaine a commencé avec une très forte montée des tensions avec au sujet de Michael Flynn. Alors, pour ceux qui nous écoutent, Michael Flynn est c'est un général des services de renseignement militaire qui est un démocrate. C'est un mec de gauche, entre guillemets, à l'origine, nommé par Obama à la tête des services de renseignement du DIA, c'est Defense Intelligence Agency, hein, je crois que c'est l'agence du renseignement de la défense en français, qu'il a occupé pendant 2 ans et en fait qu'il a quitté Michael Flynn suite en fait à ce qu'il a vu, c'est-à-dire tout simplement au soutien massif d'Obama, de l'administration Obama, aux djihadistes en Syrie et partout ailleurs. Il a essayé de le faire savoir, de le protester, et ensuite il a quitté le service actif avant sa retraite, il faut le souligner. Hein. Il a vraiment quitté, c'était censé être en fait le couronnement de sa carrière, il l'a quitté pour rejoindre Donald Trump, et il a, pris fait et cause pour la politique étrangère de Donald Trump, et ça va même plus loin, parce qu'en fait il a façonné l'approche géopolitique de Donald Trump. Il voulait complètement refaçonner, restructurer le renseignement américain. Il voulait en fait remettre la CIA et toutes les agences de renseignement du gouvernement américain au service du président des États-Unis, ce qui n'était plus le cas parce qu'elles se sont littéralement émancipées de son autorité. Il a été sorti par ce qui est une opération subversive depuis l'intérieur des services de renseignement américains, qui sont des gens qui sont des loyalistes vis-à-vis d'Obama, des gens qui soutiennent Obama, et qui ont cherché à neutraliser ce général pour l'empêcher, et pour empêcher Donald Trump de neutraliser les néoconservateurs, de neutraliser toute cette machinerie de guerre qui est maintenant très connue depuis une quinzaine d'années, et de le faire sortir. Alors comment ils s'y sont pris? Et j'en finirai avec ça. Eh bien, ils ont sorti une écoute sortie illégalement, mais qui était une écoute qui n'en est pas vraiment une, parce que en fait, évidemment, Michael Flynn a discuté avec l'ambassadeur de la Russie aux États-Unis. Il savait bien évidemment qu'il était écouté, à plusieurs titres, notamment parce que c'était un responsable majeur du renseignement. Donc il a téléphoné à cet ambassadeur de façon tout à fait ouverte, voilà. Il a discuté de ce que pourrait être la politique étrangère de Donald Trump, en faisant savoir que l'idée était quand même globalement d'avoir une détente. Et jouant sur un artifice technique, en disant que avant l'entrée en fonction d'un président, personne, aucun citoyen privé, aucun particulier, si vous voulez, ne pouvait avoir de relations diplomatiques avec personne, Flynn avait commis un délit fédéral, et il pouvait de ce fait être traduit en justice. Et du coup, le principal architecte de la politique étrangère américaine de Trump, principal conseiller au renseignement et à la stratégie militaire de Trump, un des mecs les plus puissants après Trump, a été sorti pour une raison purement technique et juridique, sur pression De l'état profond américain, et surtout voilà. sur la base, parce que s'il y a quand même un problème de il a posé sa démission pour éviter le scandale, hein, mais en réalité c'est une écoute qui n'aurait jamais dû fuir. Sortir. Donc, c'est des fuites qui sont organisées par l'état profond américain contre l'administration Trump, et je sais même pas si ça aurait été recevable, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'aurait pas dû sortir des agences de renseignement. C'est un crime fédéral. C'est un crime fédéral. Oui, effectivement. Et donc, Flynn a eu la mauvaise idée d'avoir une conversation un peu trop tôt, avant sa prise de fonction officielle, parce que c'était une stratégie des démocrates et des forces d'opposition à Trump en général, de ralentir au maximum les nominations en jouant sur des lois de prise de parole, etc., enfin, des blocages dans les chambres des représentants, etc., etc. Donc ils ont fait retarder au maximum la nomination de Flynn, et ils l'ont attrapé en train de discuter avant sa prise de position, sa prise de fonction officielle. Et effectivement, ça constitue un délit fédéral, donc il était obligé de démissionner pour éviter le scandale, qui n'est pas vraiment évité de toute façon. Et suite à ça, donc Trump, effectivement, lance des conférences de presse, tonitruante contre les médias qu'il appelle fake news, et il se réfère à peu près tous les médias mainstream, notamment le New York Times, ABC, CNN, etc. Surtout CNN, je crois. Oui, particulièrement, mais bon, tous les autres sont... Voilà. Et Trump se retrouve saboté très très tôt. Donc c'est un gros bordel en ce moment, parce que non seulement il y a cette histoire de Flynn qui est obligé de démissionner, mais en plus il y a la mise en place, alors c'est comme on dit, hein, avec les juifs, c'est l'émoi dans la communauté. La communauté, hein. Et donc c'est l'émoi en Amérique, puisqu'en même temps que ce scandale de Flynn, Trump a lancé officiellement les forces de déportation des immigrés illégaux, donc c'est vraiment... c'est festival en ce moment aux États-Unis. Non, en fait, on va prendre dans l'ordre. Flynn n'a pas commis de crime en réalité, mais il pouvait être suspecté d'avoir enfreint l'acte Logan, Bah c'est une technicalité, c'est-à-dire qu'il était élu, il allait être approuvé, mais comme il ne l'avait pas été pour le moment, vraiment, c'est de l'enculage de mouche, c'est vraiment de l'enculage de mouche à la juive, quoi, là, pour le coup. Il peut pas être bloqué parce que il était censé rentrer dans le Conseil national, le Conseil à la Sécurité nationale, et c'est à la discrétion du président. Donc il n'y a pas besoin de l'approbation du Congrès ou quoi que ce soit pour valider un gars là-dessus. Oui, c'était juste des délais qui étaient provoqués par les opposants à Trump dans les chambres des représentants. Il ne pouvait pas refuser sa nomination, mais il pouvait la retarder. Non, pas sur lui. Par contre, il pouvait le discréditer complet en disant « voilà, il travaille avec les Russes ». Et en fait, la façon de le démontrer, c'est de dire, voilà, regardez, il est engagé dans des activités diplomatiques, alors que c'est un citoyen américain, ce n'est pas quelqu'un qui est en fonction dans une administration. Et en fait, c'est en ça qu'il était en violation de ce qu'on appelle de la loi Logan, qui interdit effectivement à quelqu'un, à un citoyen, d'être engagé dans des négociations, enfin, en gros, de trahir son pays pour un pays étranger, quoi. Et en fait, Flynn a simplement dit « Bah oui, j'ai juste pris un peu d'avance parce que Trump avait gagné l'élection. » En plus, c'est à deux jours, c'est à 48 heures, je ne sais pas si vous imaginez, quoi. Il a gagné l'élection, donc je suis rentré en communication avec l'ambassade russe et j'ai commencé à discuter de ce que serait la politique étrangère de Donald Trump. Et le mec... En fait, ces gauchistes ont dit « Ah, mais attendez, il est rentré en discussion avant l'inauguration, donc il y a collusion avec l'ennemi, quoi. » Genre, et 48 heures après, c'était bon. Et là, la sortie de l'enregistrement, là, de la conversation, c'est sorti combien de temps après cette conversation a eu lieu ? Ils n'ont même pas publié le contenu. C'est-à-dire qu'il y a des fuites à l'intérieur du gouvernement américain, et c'est ce que disait Frédéric dans l'évier. Mais le délai, c'est quoi ? C'est quelques jours après la conversation, c'est ça ou... Ils ne peuvent même pas le sortir, puisque ce sont des enregistrements secrets qui ne doivent même pas être publiés sous aucune circonstance. Et ils ont quand même été publiés. Mais ils n'ont jamais... Ils n'ont pas publié le contenu, ils ont relaté le contenu. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils ont dit, voilà, dans ces enregistrements... Michael Flynn parle de ceci ou parle de cela, tu vois. Et évidemment, Michael Flynn ne peut pas le nier puisque c'est vrai. Mais en même temps, tu vois, ça ne peut pas être publié puisque c'est secret. Donc Flynn ne peut pas le nier parce que c'est vrai. Mais en même temps, c'est secret. Ça n'aurait jamais dû être publié. Et donc, personne ne peut y avoir accès, tu vois. C'est un truc d'enculé, mais modèle géant. Et c'est géré par les mecs d'Obama et compagnie, quoi. Et ils ont niqué comme ça. Le principal conseiller militaire de Trump, qui était le type qui allait voir toute sa diplomatie, sa géostratégie, qui allait voir le renseignement, etc. Il avait vraiment des... Enfin, c'était quelqu'un qui allait être central dans le dispositif de Trump. C'est un énorme coup qu'ils ont fait contre Trump. Et sur ces entrefaites, Trump a fait une conférence de presse pas plus tard qu'avant-hier. Et là, Fred, il va pouvoir aussi en parler. Dans laquelle, en fait, il a dit bon, en gros... Il y a des taupes dans le gouvernement américain qui se rendent responsables d'un crime fédéral, c'est-à-dire qu'en fait, ils trahissent le gouvernement des États-Unis et ils donnent des billes à des groupes politiques qui sont soutenus par des grands médias, à savoir le New York Times, à savoir le Washington Post, etc. Et ça, c'est une bombe nucléaire, enfin, c'est vraiment... C'est inédit, quoi. C'est... Véritablement. C'est... En même temps, on s'attendait à ce que l'état profond américain sabote au maximum la présidence Trump. Hein, donc... Absolument, mais tu vois, là, c'est un mois après, et le truc, il est sur la table. C'est-à-dire que Trump, il dit, voilà. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, Trump a dit, voilà, CBS, New York Times, Washington Post, ABC, etc., vous êtes les ennemis du peuple américain. C'est hallucinant, c'est une déclaration c'est inédit dans l'histoire des États-Unis. Jamais un président américain a dit tel journal, telle télévision, vous êtes l'ennemi du peuple. C'est jamais arrivé. Ah bah, je ne suis pas le dernier qui a dû s'en prendre à des médias quelque peu douteux. Il y a aussi peut-être des origines germaniques. Non, mais ouais, voilà, c'est ça. C'est, là, il dit voilà, c'est vous les médias, vous mentez. et ils sont en mode guerre totale. Là, c'est la guerre. Mais là, il y a une vraie. Maintenant, je pense que la guerre a vraiment commencé. Ah ouais, la guerre a commencé. Parce que avant, vous savez, ils faisaient semblant d'eux, quoi. Comme en France, quoi. Comme en France. Et là, on peut parler de la stratégie du Front National, de Marine Le Pen. La dédiabolisation, ça consiste à quoi ? À donner des gages aux médias dominants, à Le Monde, Libération, donc en fait aux milliardaires qui le tiennent, à Drahi depuis l'Israël, ou bien à d'autres journaux, ou à LCI, la chaîne de droite, TF1, hein, comme on l'a vu, la chaîne de droite, dure, hein, comme on l'a vu, avec son histoire de comment dirais-je, de... Le transsexuel, machin... Pas de travelo dégueulasse. Non, mais en fait, Trump, il dit, non, vous représentez personne. Vous représentez personne, je vous écrase, je vous chie à la face, le peuple américain vous emmerde. Et nous, on a Marine Le Pen qui dit « Ah oui, oui, ah, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Oui, comment nous, je me couche ?» On a le choix entre transsexuel ou PD, quoi, en fait. Voilà, c'est... non mais attendez. Et Trump nous montre vraiment comment ça fonctionne, quoi. Je veux dire, c'est... Moi, je respecte énormément Trump, mais enfin, c'est même pas juste une histoire de style. Là, il est vraiment en train d'essayer de sauver les États-Unis, de sauver son pays et de renverser la table, quoi. Il est vraiment en train d'essayer de convaincre le peuple américain que ces gens sont des menteurs, ils sont globalement convaincus, je pense, mais que vraiment il faut rentrer en guerre contre eux. Et c'est encore un élément en tout cas, hein, pour ceux qui doutent, parce qu'il y a énormément de gens qui remettaient en cause la sincérité de Trump, qui allait produire juste du civique nationalisme, etc. Hein, qui n'allait pas être sérieux sur ses promesses de déportation, d'immigration illégale ou légale d'ailleurs, puisque Jeff Sessions est rentré en fonction et qu'immédiatement il y a eu des discussions sur la diminution drastique de l'immigration légale, donc pas seulement illégale. Et c'est encore un élément qui permet de juger en fait de l'authenticité de la proposition de Trump, parce que si c'était finalement quelqu'un qui était là pour négocier quelques strapontins, d'arranger 2-3 trucs et puis au final de faire du business comme d'habitude, ce genre de sabotage, ça ne se produirait tout simplement pas. Il y aurait des négociations en arrière-boutique et ça s'arrêterait là. Mais là, c'est vraiment, il y a des gens dans les communautés du renseignement américain qui se sont rendus coupables de crimes particulièrement sérieux, hein, pour faire sortir ces enregistrements. Et d'ailleurs, Trump est en train de leur déclarer la guerre publiquement et annonce qu'ils vont poursuivre, qu'ils vont chercher d'où c'est sorti. Donc il va falloir voir la suite de tout ça. Mais en tout cas, c'est intéressant, hein, ce qui se passe. C'est plus qu'intéressant même. Hein. Tous les jours, là, les nouvelles américaines... on s'amuse beaucoup. Il a dit que on avait trouvé les traîtres sur Twitter. Il a dit ça. Il a dit on les a trouvés, on les a trouvés. Et alors je vous raconte le truc. La dernière news, ça vient de Paul, hein, 4chan, Paul Incorrect. Apparemment, l'administration, donc en fait le gouvernement Trump aurait balancé, mais à très très très très haut niveau. Hein. Ils auraient balancé au moins une dizaine de formulaires légèrement différents d'un plan qui mobiliserait la garde nationale américaine pour rafler les illégaux. Okay ? L'histoire des fameux 100 000 membres de la garde nationale pour rafler des bougnoules, en fait, et les virer des États-Unis. Dans les dix versions qu'ils ont balancées, ils ont changé juste des petits trucs. Genre une virgule, un point... un chiffre, etc. Et ils ont donné à 10 mecs différents. Et vous savez pourquoi ils l'ont fait ? Pour identifier les putains de sources qui balancent tout à la presse. Donc en ce moment même, et c'est pas des cracks, c'est vieux d'aujourd'hui, hein. En ce moment même, l'administration de Trump est en train de remonter à qui balance quoi à la presse pour savoir qui sont les putains de balance, les putains de balance, quoi, les baltringues. Et alors les mecs auraient jamais cru se faire niquer par une ficelle aussi vieille, quoi. Parce qu'un truc comme ça, c'est une vieille ficelle, hein. C'est une vieille, très vieille ficelle. Et ils l'ont fait. Et alors en ce moment, c'est la grosse chiasse, parce que là, évidemment, ils sont en disant putain, on est compromis et tout. Et Trump a dit, dans quelques jours, je vous donne les noms des salopes qui balancent. Mais sur Twitter, hein, il a dit, je vous donne les noms des gens qui balancent. Je vous les donne. Je vous les donne, et ça sera poursuivi. C'est un crime fédéral, ça sera poursuivi. Et Trump étant tellement un putain de teigneux, c'est évident que les traites vont payer. Mais ils vont payer, Eh, franchement, tiens, Fred, d'après toi, t'es un mec, tu bosses dans un ministère, mais t'as un haut niveau. Hein. Il y en a 2, 3, 4, 5, tu te fais gauler par Trump, en train de balancer des infos à la presse, des informations classées, secret défense. D'après toi, Trump, il te fout combien au cul? Je sais pas, mais si j'ai la possibilité de prendre l'avion tout de suite, j'y vais, quoi. Session, d'après toi, il te met quoi au cul, là? Ah bah, je sais pas si c'est la perpétuité, si c'est la peine de mort pour haute trahison, enfin, il y a... Toutes les possibilités sont ouvertes, hein. Moi, je pense que la peine de mort pour haute trahison, ça ferait son petit effet, hein. C'est-à-dire que... Ah bah, il y en a qui fermeraient leur gueule, effectivement. Ah là, tu lances la machine en mode sérieux, tu vois, dis, écoutez, les gars, d'accord, vous voulez balancer, ok, allez-y, hein, puis après, c'est ça, après, c'est la chaise électrique, après, c'est... Voilà, je pense que, oui, ça il y en a quelques-uns qui resteraient plus discrets. Bon, faut voir, hein, on va voir, mais j'espère, qu'il va en faire des exemples, hein. J'espère. Eh bien, visiblement, en tout cas. Et alors, sans transition, parce que tout ça se poursuit, ça va très très vite, hein, au niveau du gouvernement américain. Trump, il essaye de nommer ses ministres, il n'arrive pas à nommer ses ministres, parce qu'ils sont bloqués, comme tu l'as dit, il y a de l'obstructionnisme de la part de la gauche et du Parti démocrate. Il y a les juges rouges, bon, on en a parlé en France, ben, c'est les mêmes aux États-Unis, et franchement, ceux qui nous écoutent doivent comprendre ça. C'est... Bon, évidemment, il y a une culture différente, il y a des procédures différentes, mais c'est tellement la même chose. C'est tellement pareil, quoi. Vous avez les mêmes gens en action, les journalistes, les juges, les gauchistes dans les partis, dans les ministères, c'est pareil. C'est-à-dire que la magistrature, en réalité, c'est comme les médecins, c'est comme les garagistes, c'est-à-dire c'est un business comme un autre, et la magistrature, en fait, bénéficie de la surcharge de travail, de la demande qui est provoquée par tous ces métèques qui occupent les tribunaux, qui occupent les avocats, qui occupent... Ça fournit du travail, tout ça, c'est très bien. Ça fait monter les salaires, ça fait monter la demande, etc. Alors, comme le médecin, qui pour beaucoup n'ont en réalité que très peu d'éthique, hein, professionnelle, et qui n'ont pas vraiment d'intérêt à guérir les malades, mais plutôt à leur filer quelques pilules par-ci, par-là, et des remèdes pour traiter simplement les symptômes, eh ben, la magistrature, en fait, c'est juste des garagistes un petit peu mieux payés, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont intérêt à ce qu'on revienne, on redemande, hein, etc. Et donc, ils ont tout intérêt à se mettre du côté des métèques, des parasites de toute espèce. Et c'est vraiment des professions à encadrer d'une main de fer. Hein, et, ouais, voilà. De fer. Je sais pas comment ça peut s'organiser, mais je pense qu'il y a, il y a, il y a beaucoup. Oh, je pense qu'effectivement, avec quelques exemples, ça peut s'arranger. Il y a beaucoup de ménage à faire, et c'est vraiment un problème très très profond, hein, le problème de toutes ces professions, parce que il y a tout un tas de corporations comme ça. Je veux dire, la magistrature c'en est une, mais il y en a tellement dont en fait l'existence vit, tu vois, se profite du parasitisme général, de la déliquescence, de la pourriture, et il y a vraiment du travail à faire là-dessus, hein, parce que la magistrature, ouais, c'en est une évidemment très importante, hein, mais ce ne sont pas les seuls. Tous les travailleurs sociaux, toute cette chiasse. Ouais, toute la merde sociale, en fait. Ouais, mais il n'y a pas que ça, je veux dire, ça commence par le garagiste, quoi, voilà, ça commence par le garagiste, et puis après, c'est le magistrat, quoi, et puis c'est... Voilà. Non, mais le problème, c'est l'ultralibéralisme, Fred, t'as rien compris. Oui, ouais. Oui, bien sûr. Le manque de régulation... Voilà, pas assez de régulation. On en crève, on en crève, hein, on en crève. Pour terminer là-dessus, c'est on a une réunion, la conférence de Munich, qui est une conférence annuelle sur la sécurité internationale, surtout au plan occidental, hein. Durant laquelle en fait il y a les espèces de G20 mou des ministres des affaires étrangères qui vont discuter un petit peu des affaires de sécurité, etc. Et là, on a McCain qui nous a fait une charge contre Donald Trump inédite. Alors, McCain est du Parti républicain. C'est un néoconservateur. C'est une vieille chiasse. C'est une vieille merde. Un rare néoconservateur à ne pas être juif. Ouais. Prisonnier hein, du Viet Cong. Pilote de l'US Air Force, fait prisonnier par le Viet Cong. S'est retrouvé dans un trou à rats pendant je sais pas combien d'années. Et ressorti de là complètement frappé d'ailleurs. Il en a conçu, je crois, une haine arabique de la Russie, ce qui explique beaucoup de choses. Hein. Alors, voici ce qu'il nous dit durant la conférence, durant son discours à la conférence de Munich, devant Merkel, devant tout le monde, hein, Tillerson, le nouveau ministre des Affaires étrangères de Trump, etc. Alors, il dit les pères fondateurs de la conférence de Munich, en question, quoi, seraient alarmés par la façon dont les valeurs universelles. Qui sont les nôtres, donc, sont contestés, remis en question par les liens du sang, de la race et de l'appartenance religieuse. Oh la vache, la droite américaine incarnée par McCain. Ah ouais, là c'est un discours droite toute. Hein. On pourrait le retrouver bientôt. Bientôt, ça sera le discours de Marine Le Pen. Hein. Je pense que. Ils seraient alarmés par le durcissement. Et comment dire, le ressentiment que nous voyons à l'endroit des immigrants et des réfugiés et des groupes minoritaires, et particulièrement des musulmans. Oh putain, la vache, la droite dure bouchiste en action. Hein. Putain, McCain, là, on n'en peut plus. Là. Il serait également alarmé par l'incapacité grandissante et le manque de volonté de séparer la vérité des mensonges. Alors ça, c'est des fake news. Parce que vous savez, on raconte que des conneries H24, nous, alors que les grands médias, Le Monde, Libération, New York Times, CNN, ils racontent que des vérités tout le temps. Ils mentent jamais, eux, vous voyez, par exemple. Et alors donc, il dit, voilà, on est de plus en plus des tocards parce qu'on n'arrive pas à faire la différence. Et enfin, il serait alarmé, il serait inquiet, parce que de plus en plus de nos concitoyens semblent se rapprocher, semblent avoir des sentiments d'empathie vis-à-vis de l'autoritarisme et semble avoir, comment dirais-je, une distance par rapport à nos valeurs dites démocratiques. Merde. Est-ce que l'Occident commencerait à basculer dans le fascisme enfin? après 70 ans d'enculage massif. Pas la France, mais bon, y a quand même quelque chose de sympa aux États-Unis, c'est sûr. Hein. Ouais, alors, quand McCain parle des... Ouais, des valeurs alors, donc, universelles. La droite américaine, on résume. Ouais, la droite américaine parle des espérances planétariennes des juifs. Quoi. Alors, la droite américaine dure, on résume avec McCain. Il faut faire la guerre pour défendre le droit à l'Occident de se faire envahir par les musulmans, de défendre l'antiracisme et les PD, parce que sinon, c'est pas bien. Oui, bon, bah Bernard Lévy signe demain, on est d'accord, hein, visiblement. Hein. Voilà. Donc la droite américaine, confirmée, c'est la droite juive, hein, à peu près. Bon, bah, chers amis, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, sur ce bon sermon du père McCain? Est-ce qu'il est allé faire Shabbat après? Bah lui, c'est l'idiot hystérique utile absolu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un... De toute façon, on voit qu'il est fini à la piste, McCain, hein. C'est une quiche, hein. C'est une quiche totale. Ouais, et plus il vieillit, plus ça s'arrange. Hein. Et 75 balais, toujours sénateur. Hein. Et toujours aussi hystérique. Hein. Lui, il est jamais à court. Il est assoiffé de sang, ce mec-là. Et en plus, c'est officiel. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui officiellement contredit le président des États-Unis. Il fait profession de foi de lutter contre le président américain, quoi. Qui est de son parti. C'est pour vous dire, quoi. À quel point c'est l'esclave, quoi. Ouais, c'est grave. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, chers amis. Oui, je pense qu'on peut s'arrêter là.